Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. You out again. You spend your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission maximale. Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là. Et je suis accompagné de M. Andrew Castegan à la console. Salut Andrew. Bonjour messieurs. Comment ça va? Ça va bien. Là tu dis messieurs parce que je ne suis pas seul autour de la table. Il y a aussi Monsieur Éric Lajeunesse qui va venir nous parler bière cette semaine. Et là, de quelle bière tu vas nous parler, Éric? La vie de château du Grimoire. Oh, que c'est le fun, ça. Là, j'ai vraiment un parti pris pour cette bière-là. Ça fait que ça sera aucunement... Et moi donc. Objectif. Totalement mais bon, biaisé. On va en parler pareil. Donc, Éric, on va faire notre chronique à corps... bière et jeux. Exact. Et aujourd'hui aussi, vous allez avoir des entrevues que j'ai réalisées qu'on a réalisées avec Andrew lors de la Foire Geek de Québec samedi dernier. On va en parler avec l'organisateur principal, Aura, et aussi on a parlé avec Danny du pub La Revanche qui s'en vient à Québec. Des petites précisions sur le projet qui s'en vient. Et en deuxième heure, on va avoir des nouvelles ludiques. Pas juste ça, on a un autre invité en deuxième heure, Monsieur Maxime Girard. Bonjour Maxime, comment ça va? Ça va très bien, Michael. Et là, avec Maxime, on a parlé un peu la semaine dernière lors de l'émission de Maxime, parce que on a connu Maxime, moi et Andrew, pendant qu'on était dans le domaine de l'organisation d'événements geeks. Mais Andrew, d'ailleurs, qui en fait encore partie de ce monde-là. Et Maxime... C'est tout des bizarres. Maxime, on l'a connu pendant notre organisation de Cap et Kimono 2010. Et là, on va parler organisation d'événements geeks, justement, avec Maxime aujourd'hui. Un petit échange comme ça, amical, une petite discussion pour éclairer un peu les gens là-dessus. Puis aussi les problèmes qu'on peut rencontrer, mais aussi les belles expériences qu'on peut vivre dans ce genre de trucs-là, même si... Le monde dit que c'est ingrat parce que c'est bénévole, mais on vit des belles choses là-bas. Donc, on va parler à Maxime, mais là, Maxime, on va pouvoir parler aussi avant son entrevue, mais il est avec nous dès maintenant, donc bienvenue Maxime. Je vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et autres. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook. Et là, Andrew est déjà prêt à poster des... plein de choses sur la page pendant l'émission. Des insanités. Ouais, ouais, mais la première chose, c'est une femme à poil assise sur un canard. Parce que les canards... Et le canard, c'est Donald Duck. Et il y a Mickey Mouse avec un sable laser. T'as-tu fini, là? Non. Donc, pour ceux qui veulent quand même aller sur la page Facebook de Puissance Maximale, vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche sur Facebook, vous allez nous trouver très facilement. Appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Et grâce à ça, vous avez des nouvelles très rapidement sur l'émission. Et grâce à ça, vous pourrez propager la bonne nouvelle geek auprès de vos amis. Également, partager la page de Facebook. Voilà. Et autre nouvelle rapide, cette semaine, aujourd'hui même, est paru mon premier article dans Le Peuple de Lévis. J'appuie sur publier. Alors, Andrew vient de le publier sur la page Facebook, à la page 6 du journal virtuel, où les gens de la Rive-Sud, là, dans votre journal, là, dès que vous l'aurez sous la main, version papier, vous pourrez me lire également. Et l'article se nomme « Le jeu et responsabilité », un petit article qui vous dit que les jeux violents, c'est

dimanche, il y a à peu près 13h. On vient d'arriver, moi et Andrew, à la Foire Geek. Il y a quand même pas mal de monde. Et là, je suis en compagnie d'une des organisatrices de l'événement, Aura. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va numéro un. Écoute, félicitations pour le beau succès. Merci. Je sais que c'est ouvert depuis ce matin vers 9h30. Là. Y avait-tu autant de monde dès l'ouverture? On avait une file qui s'est formée à 9h déjà. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça prouve que des événements comme ça, ça a sa place à Québec. En fait, la question que je voulais te poser, quand est-ce que ça t'est venu à l'idée d'organiser un événement comme ça? Parce qu'on sait que, ben, un peu pour décrire l'événement, ça ressemble un peu à un peu une salle marchande d'artisans dans une convention. Ce qu'on arrive ici, c'est il y a des magasins aussi là qui sont là. Je vois nos amis de la planque jeux vidéo. Mais il y a beaucoup d'artisans. Quand est-ce que ça t'est venu à l'idée d'organiser ça en dehors d'une convention? En réalité, l'année passée, il y a eu CosplayCon qui est organisé à l'école secondaire, qui en fait c'était pour une levée de fonds pour la Croix-Rouge. Et puis, en tant qu'artiste moi-même, j'ai ma propre boutique. Je me suis dit, de ce genre d'événement-là, surtout pour ce qui est les geeks, quoi. Il n'y en a pas vraiment ici à Québec. Oui, il y a les conventions, mais juste une salle marchande. En plus, pendant les temps de fête, c'est vraiment un moment excellent pour faire nos listes, nos cadeaux. C'est en flattant mon chat, quoi. L'année passée, dans mon salon, que je me suis dit, il en manque, il faut que je fasse quelque chose. Si personne ne le fait, il faut que je commence de quoi. Ben effectivement, c'est un bon timing parce que là, on est le 10 novembre, donc le temps des fêtes. Puis en plus, aujourd'hui, on a une belle neige qui tombe sur la ville de Québec. Donc, on est dans le bon timing là, pour faire nos achats geeks. Écoute, t'as passé par quel moyen pour rejoindre tout ce monde-là, pour organiser tout ça? J'imagine que t'es pas tout seul dans l'organisation. On est trois. Il y a, en fait, la Foire Geek qui ramasse des fonds pour le refuge Gimli. Donc, la propriétaire du refuge, Hélène Paquet, s'est joint à moi. Donc, pour moi, c'était idéal. J'aime les chats, les chiens, tous les animaux compagnie. Plus, j'aime tout ce qui est geek. Ben, en fait, c'est ça, le refuge Gimli, c'est quoi? C'est un refuge pour les animaux en général? Oui, surtout pour chats, mais c'est un refuge sans cage, sans euthanasie. Donc, c'est fait avec des familles d'accueil, des gens qui prêtent quoi à leur maison pour un chat errant qu'on trouve. Bien sûr, ils payent la nourriture et la litière, mais c'est le refuge qui débourse les frais pour ce qui est les vaccins et même stérilisation. Notre but, en fait, c'est de stériliser le plus de chats possible pour diminuer les chats ici à Québec un peu. En plus de venir magasiner geek là, ici à Québec aujourd'hui, ben là, on aide une bonne cause avec le refuge Gimli. On en profite pour mettre ça sur la page de Puissance Maximale en même temps pour encourager les gens à faire des dons. Mais là, il y avait une troisième personne aussi qui t'a aidé à organiser ça? C'est mon mari. C'est bien d'avoir quelqu'un de proche comme ça pour nous aider. C'est la meilleure personne, en fait, pour moi. Et puis, il m'a vu, il m'a toujours supporté dans mes folies, quoi. Avec Kawaroyo, ma boutique, et n'importe quoi. Donc, c'est une troisième personne très, très, très importante. Excellent. Donc, là, Puissance Maximale, on est là présent. On va continuer à faire le tour. On va vous en parler plus précisément là, pendant l'émission de cette semaine. Là, on a eu la chance de parler avec l'organisatrice. Là, tout de suite, la question, là, une dernière question avant de conclure l'entrevue. Je voulais savoir, est-ce que, pour le moment, on pense à une deuxième édition pour l'année prochaine? Ou même peut-être avant, on ne sait pas? Comme on voit, je pense que oui, on a toujours dit on va attendre finir la première, voir qu'est-ce que ça a l'air. Mais il y a beaucoup de marchands et aussi des exposants, excusez-moi, et des visiteurs qui disent qu'ils ont déjà hâte à l'année prochaine. Excellent. Bon, ben ça augure bien. Longue vie à cet événement-là. Toujours le fun, justement. On aime les conventions, mais on aime ça aussi voir nos amis geeks en dehors des conventions là, un peu plus souvent. Je pense que ça va être un beau rendez-vous à chaque année. Merci beaucoup. Merci. De nous avoir donné cette entrevue-là. Merci. CJMD 96.9, la radio qui s'implique dans sa communauté. CJMD 96.9, la seule station sur la rive sud. You, it's deep and it's blue. Sink or swim, baby, don't go loving him. Wait for me, I'll come and set you free. But until then, I'll keep on swimming in the sea. Now, baby, I swim all day. Fish in my way. My baby, my little peach, well, she's always just out of reach. But wait for me, baby, I'm coming. We're coming to set you free. But until then, I'll keep on swimming in the sea. Now every man needs a princess, to call his own. But after looking high and low in this kingdom, still go to bed alone. And I promise, now baby, I promise you, you're worth every bit of the hassle. But every time I think I've found you, you're in someone else's castle. Why you do this to me, baby? I'm diving down, trying not to drown. I know it seems my quest is just a pipe dream. But wait and see, there's a prince for you, and it's a me. But until then, I'll keep on swimming in the sea. Jaune-jaune aussi, écoute, puissance maximale. Puissance maximale est de retour, mesdames et messieurs, après notre entrevue avec Aura de la Foire Geek de Québec. On a entendu Brent Alfloss également avec son Tutu Blues. Vous avez reconnu un des thèmes de Mario. Je l'adore, cette chanson-là, moi. Étant un amateur de blues moi-même, de petits pianos dans ce genre-là, là, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et là, mesdames et messieurs, il est temps de parler de choses sérieuses. On a une nouvelle GeekFest à dire. Ah oui, c'est vrai, Andrew, dit-il, en finissant sa gorgée. Ouais, ben, chronique bière, hein. T'es avec Eric, c'est jamais juste une. Non, c'est ça. Puis c'est même pas la bonne que t'as dans les mains. Non, c'est ben ça. Ben non, c'est à quoi je vais finir, justement. Ben effectivement, on a une nouvelle GeekFest, Andrew. Oui, le site est maintenant en ligne. Préinscription débutée, 15$, plein d'invités, ça vous tente d'y être. Oh oui. Le post est déjà sur Facebook. On vous rappelle que ça va se passer au Cégep Limoilou au mois de juillet. Là, les dates exactes m'échappent présentement. Là, j'ai pas ça. 5-6 juillet. Et voilà, merci Andrew. La quantité de courriel que j'ai envoyé hier, je m'en rappelle. 5-6 juillet, Cégep Limoilou. Et on vous annonce également que Puissance Maximale fera une émission spéciale hors série sur place avec les jeunes de l'émission, la plupart des collaborateurs. Même les anciens, il y en a beaucoup d'anciens. Comme, ben, en fait, il y en a un. Gabriel Gaudette. Gabriel Godet va être sur place pour venir nous parler avec Diego Lamana. Eric va être là également. On essaye d'avoir Chantal Campagna et aussi Pierre-Luc. Mais Pierre-Luc, c'est plus difficile un peu vu qu'il est en France. Mais il vient l'été. Ça fait qu'il va essayer de s'organiser pour que ça soit en même temps. On vous prépare un méchant show. Un minimum de 2 heures, standard, mais... Et on va discuter avec les autres instances. Et à cause de l'air, Mais mesdames et messieurs, que cette émission aura des segments questions et réponses. Oui, si vous, ça sera parce que on va faire ça devant le public, mesdames et messieurs. Vous pourrez venir à l'amphithéâtre. Nous regardons, on sera sur scène. Ah oui, la grosse patente, là. On se fait pas chier à puissance maximale. On prend toute la place qu'on peut prendre. On sera sur scène, puis vous voulez assister à un à l'enregistrement. Ça va être diffusé en direct sur les internets, bien évidemment. Donc, vous avez des questions à nous poser sur place. On va y répondre en onde. Donc, voilà, c'est un rendez-vous. T'sais, c'est le moment, là. C'est le moment où vous allez avoir le plus d'experts sur scène. Et voilà. Donc, présentez-vous. Et il y a un roux. Venez nous voir. Puis en plus, le samedi soir, je dis ça de même. Ça risque de virer en party. Ouais. Je dis ça comme ça parce que, tu sais, le Cégep de Limoilou est quand même à côté de la souche. Je dis ça de même. À peine à côté de la souche. À peine. Célèbre souche. On connaît quelqu'un qui est un grand fan. Une enjambée, puis on est rendu. Ah oui? Hein? Ben, en fait, moi, j'en connais au moins trois. Eh ben, ouais. Et ils sont ici présentement. Donc, bref. Il y a Julien aussi qui l'aime bien. Ouais. Julien, même s'il va être très occupé la journée du Geekfest, il va être là avec nous autres aussi. Ben oui, il faut. Pour sa chronique BD. Bref, Geekfest, mois de juillet, soyez-y, mesdames et messieurs, parce que allez sur le site tout de suite, achetez vos passes pour la fin de semaine, seulement 15$ en pré-vente. C'est quoi l'adresse du site? Tu vas pouvoir nous mettre ça sur le site. C'est déjà fait. C'est magique. Andrew, c'est une machine. Et parlant party, parlant bière, allons vers justement la chronique Accord, bière et jeu. Eric, je te jure, je vais avoir un jingle un jour pour toi. On va se faire quelque chose pour Eric, là. Je vais contacter deux snooze. Ils vont sûrement être capables de nous arranger ça. On va s'organiser de quoi. Pourquoi pas. Et là, Eric. C'est vrai que je les rencontre, ces deux gars-là d'ailleurs. Ben, on va s'arranger. De toute façon, on a quelque chose, je pense, pour la station là, qui s'organise. Là. On va pouvoir se parler, okay. Ça, c'est sûr et certain. Good. Donc là, parlons bière, mesdames et messieurs. Et là, on va parler d'une bière, mais la bière. C'est dans mon top 5 ever, là, de toutes les bières que j'aime dans le monde. Sinon le top 3. Eric, qu'est-ce qu'on boit? Ce soir, parce que j'ai été débordé dans les dernières semaines... puis que je suis un petit peu lâche aussi. Je suis allé dans un terrain plus que connu. C'est la vie de château de la microbrasserie Le Grimoire. Une microbrasserie qui est située à Granby. À Granby, qui a commencé en 2004, qui a brassé divers produits. Écoutez, j'ai découvert ça l'année passée au Festibiaire. Oui. J'ai clenché tout ce qui restait de jetons. Cette année, je m'étais dit, bon, je la connais tellement, puis j'ai pas pu, résister. Ça fait partie, j'en ai tout le temps chez nous, sauf quand il n'y en a pas nulle part parce qu'ils fournissent pas à la demande. Ouais, ben, c'est un beau problème, ça, pour eux autres. C'est plate, c'est parce qu'ils fournissent pas. Ouais, mais ça serait le fun qu'ils l'adressent, par exemple, comme, parce que c'est le fun d'avoir une dose de vie de château en réserve, ouais, dans la porte du frigo. Pour la visite. Une dose d'urgence, tu sais. C'est ça. Non, pas pour la visite. D'urgence. Non, c'est ça. Eric est un égoïste à ce niveau-là. Cette bière-là, elle est cachée chez lui. Ouais, c'est ça. Écoutez, je pense que c'est dans une catégorie à part de bière. Là. Ça a été brassé à l'origine pour le château, exclusivement pour le château Beaumont. Finalement, ça a été rendu public. C'est une bière au rhum. Bon, je la connais, je peux en parler beaucoup, là, mais je veux vous entendre. Ben oui, mais... Toi, c'est Guillaume, tu l'as goûté. Maxime, excuse. Tu l'as goûté, tu l'as senti. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu goûtes? Sérieusement, c'est l'odeur qui m'envoûte. Ah oui, c'est dès qu'on ouvre la bouteille même, on a l'odeur qui nous pogne dans le nez. C'est hallucinant. Il n'y a rien qui goûte comme ça, là. Rien. Faut dire que ça a une odeur sucrée, des fois que ça pourrait rebuter quelques personnes, mais le goût, là, on n'est vraiment pas dans le liquoreux ou dans ce genre-là, là. Pas du tout. Non, ça goûte pas la tornade. Aux cerises noires. Oh, succès souvenir. L'été de mes 16 ans. Écoutez, c'est au rhum, principalement au rhum. Moi, tout de suite, oui, on goûte le rhum, mais moi, ce qui me vient me chercher avant tout, c'est vanille, malt. C'est hallucinant. Je suis quasiment sans mots. La petite touche de caramel, on la sent bien. Ça, oui. À l'odeur, puis au palais, on la sent. Mais, encore une fois, on parle d'arôme ici. On parle pas de choses qui vont aller par-dessus le goût de la bière. Là. C'est bien aromatisé. Je trouve que c'est bien balancé comme goût. C'est un maigre 7%. Ouais, certains diront que c'est fort. Nous, on trouve ça... comme on a dit lors de la dernière chronique, le 7%, c'est une bière forte douce. Non, mais exact. Puis dans ce cas-ci, c'est un 7% qui... Si qui est dangereux. Si je te le dis pas, tu le sais pas, là. Ça, c'est non, dangereux. Effectivement. Ça pogne pas au nez, ça pogne pas... Tu t'en rends en fait, juste pas compte. Là. En fait, versus certaines bières à 7%, on goûte pas l'alcool. Il y a certaines bières à 7% des fois, là, que t'es... Non, tu sais, une bonne Wildcat ou une Colt 45 à 7%, là. Et là, le mot « bonne », on parle de la grosseur de la bouteille ici, on parle pas de la qualité. C'est le rapport qualité-prix, maintenant. Non, c'est ça. Non, effectivement, tu sais, les bonnes... Black Label 10, là, ça a l'air de la mélasse, là, quand tu bois ça, là. Ah, tu vois, je la connais pas, celle-là. Ben, écoute, c'est pas... C'est la Big Ten. La Big Ten, tu sais, t'es pas vraiment obligé. Je pense que c'est un litre, une bouteille d'un litre. Oh oui, c'est une grosse affaire. Une bouteille d'un litre à 10% d'alcool, puis ils l'appellent la Black Label Big Ten. Dans la lignée des Bull Max, là. Ouais, c'est ça. Hey, ça, j'en ai vu, ça, quand j'étais jeune. C'était pas cher, ça, cette bière-là. Ben, c'est, voilà. C'est ça. C'était dangereux aussi, là, mais bon. Donc, oui, pour revenir à la vie de château et non parler des grosses quilles de dépanneur. non, sans farce, c'est une bière qui m'a, moi aussi, charmé. Parce que moi aussi, c'est il y a 2 ans où j'ai connu cette bière-là, justement, pendant le festibière. Et je peux te dire que c'était long avant d'avoir une bière Parce que les fils sont toujours importantes à leur kiosque. Leurs produits sont super en demande. Les gars sont vraiment cool à leur kiosque, by the way. Là. Oui. Puis ils font un autre produit qui est la désérable. Ah! Mon autre coup de cœur. Qui est totalement hallucinant, qui goûte beaucoup l'érable. Ouais, ça, il y a beaucoup de monde que j'ai fait goûter cet été qui ont dit que c'était qui goûte trop. Beaucoup l'érable, mais qui est pas sucré. Ouais. C'est étonnamment, hein? C'est... Mais bon. Moi, j'ai pris ça à Saint-Jean, je me sentais patriote. Hey, mon petit goût d'érable, là. Je parle pour toi, là, mais je suis plutôt rouge que bleu, là, mais bon. On le sait. C'est aussi un des rares produits qui... Comment je pourrais dire ça? Goûte ce qui sent. Oui. C'est rare, là, mais tu sens, ça goûte la même maudite affaire. C'est. Écoute, j'ai deux qualificatifs, là. Du ciel en bouteille. On s'attend que Eric va donner une note en haut du 8, je pense. Ah, ça se pourrait. Ça se pourrait. Puis, ça m'est venu tantôt, là, pendant une implantation importante, là. Si le chant des anges goûte quelque chose, c'est ça. C'est du ciel en bouteille. Santé biblique aujourd'hui. Ouais, ça se peut même pas. Puis comme je vous dis, j'ai été lâche. Là, c'est une valeur sûre. Là. Je suis rentré au dépanneur tantôt. Je savais pas quoi faire à soir. Puis là, j'ai vu la vie de château. Ça va être no-brainer. Je suis comme brain dead, ben red. J'ai ramassé ça. D'ailleurs, Eric, il n'y a pas quelqu'un qu'il faut que tu salues du dépanneur? Oui, l'ami Charles. Bon, donc bonjour à l'ami Charles. Bonjour à l'ami Charles. D'ailleurs, où est-ce que tu t'es procuré ces produits-là? Il faut juste que je prenne mes clés. Ça s'appelle Dépanneur tout près. À Lévis, ils ont vraiment une grande sélection de bières, franchement, comparé à... À ben des places. À ben des places. Puis je les connaissais pas jusqu'à il y a quelques semaines. Mais je pense que la dernière bière que tu avais pris l'autre fois, c'était là-bas. C'était là aussi. Puis, fait que heureusement, finalement, j'ai plus besoin de descendre au monde des bières, au coin Marie de l'Incarnation, à Mel. C'est un très beau commerce aussi. Oui, oui, mais c'est parce que. C'est une référence à Québec, mais. C'est mauditement loin de Saint-Jean-Chrysostome. Ouais, c'est une petite ride, mettons. Puis le Deb de la Rive, c'est. J'ai pas haché pour passer dans le rangé tellement c'est tête, là. C'est plate, mais c'est ça, tu sais. Fait que non, c'est... Honnêtement, c'est... Ils ont une très, très, très, très belle variété. Surtout, ils ont beaucoup de choix. Le personnel est sympathique. Ça devient mon endroit de prédilection là, pour aller me procurer mes breuvages préférés. En plus, c'est des préférés. Petits snacks. Je pense qu'ils ont encore des jujubes qu'on peut acheter à l'unité, hein. C'est-tu encore là? Je te dirais que j'ai pas vraiment remarqué jujubes. Parce que, il me semble, pas si longtemps que ça, j'avais été, puis il y avait encore des petits bacs à jujubes sur le comptoir. Ça se peut. T'es en train de parler de jujubes. Moi, j'en remarque plus les frigidaires, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est juste parce que, moi, j'étais allé au collège de Lévis quand j'étais au secondaire. Ah, OK. Puis, ça m'avait frappé quand j'avais été là au secondaire, parce que quand j'étais bien, bien jeune, je connaissais les bacs en plastique avec des jujubes que t'achetais à l'unité, là. Puis c'était la seule place que je connaissais qui avait encore ça. Ça m'avait marqué. Puis les deux comparses avec qui j'étais d'ailleurs ce midi m'ont fait remarquer qu'il y avait comme une autre section de dépanneur où il y avait d'autres choix de bières que j'avais pas remarqué la dernière fois ni aujourd'hui encore. Donc je pense que la prochaine fois, j'aurai du temps quand j'irai. Je serai pas. On ira ensemble, Eric. On découvrira ça ensemble. C'est qu'on rappelle, ouais, ben, d'ailleurs, on les salue, là, les gens de ce commerce qu'on apprécie, vu leur variété. Puis d'ailleurs, c'est Eric qui y va à chaque fois et qui nous dit qu'ils sont très sympathiques en plus. Ouais. Donc, ouais. Merci à eux. Et pour la bière, justement, pour revenir à la vie de château, là, je ne sais pas si on l'a dit, mais bière ambrée. Tu notais, parce que Eric, c'est un pro, là, il nous fait des fiches de dégustation. Tu nous marques tirant sur le rouge. Effectivement, je dois acquiescer. Pour les gens qui se demandaient quel type de bière c'était. Donc, c'est une ambrée belge. Ouais. Écoute, on a parlé de la bière. On a parlé des goûts. Maintenant, il est temps de parler jeu, messieurs. Avec quel jeu vous pensez? Je veux commencer. Vas-y. S'il vous plaît. J'ai pas parlé beaucoup. Je suis sûr qu'il y a même idée que moi, en plus. Moi. Les bras d'un zard à même, c'est sûr qu'on se rejoigne. Ben, je sais pas, mais moi, en fait, je dirais plus un événement ludique. Ah, en fait, je dirais plus que c'est une bière qui a un bon goût, je dirais que c'est une bière un peu d'événement. Tu sais, tu sors ça quand t'as le goût de boire une très bonne bière. Qu'est-ce qui sort cette semaine et la semaine prochaine? Une PS4 puis une Xbox One. Pourquoi pas baptiser cette console-là en prenant une bière comme la vie de château? On parle de baptiser en la buvant, pas en faisant comme avec un bateau puis la péter dessus, là. Ah, non, on s'en rejoint pas là-dessus, non. Mais tu sais, il me semble inaugurer une nouvelle console, t'es avec un jeu, là. Ouais. Juste le principe de l'inaugurer, je trouve que c'est une bière qui se marierait bien avec ça. Ben, oui, on se rejoint là-dessus. Mais comment t'as appelé un PS4? On sait, Eric. De quoi tu parles? Et un Xbox One pour toi, c'est ah, correct? Ah oui, c'est d'ailleurs, on tentait de s'arranger quelque chose, mesdames et messieurs, parce que là, ça va s'en venir. Vendredi cette semaine, la PS4 sort, et M. Castegan en aura une entre les mains, et M. Lajeunesse aura une Xbox One, lui, lors de la sortie. On va prendre notre temps, parce qu'on est déjà occupé, mais on veut prendre quand même notre temps pour bien jouer. En même temps, jouer plus que juste un jeu. Ouais. C'est qu'on va se programmer, des sessions de jeu avec Eric assez intensives, et en même temps, on pourra peut-être faire des pré-dégustations pour les chroniques bières, et on fera par ça, mesdames et messieurs, pour le mois de décembre, juste à temps pour Noël, faire une petite critique des consoles. Donc, oui, c'est ça. Mais pour un événement spécial, donc pour M. Castegan, au niveau de la vie de château, toi, Eric, t'avais l'air d'être décidé tout de suite pour le jeu, toi. Ben, écoutez, moi, c'est une bière, je trouve, qui est extraordinairement complexe, mais ô combien agréable. Château, Castlevania. Ouais, c'est vrai. Si on y va dans le concept château, là, écoutez, pourquoi pas? Oui, effectivement, c'est un bon choix, je ne dois qu'acquiescer. Mais la question est, lequel? Oh. La série au complet ou un particulier? Simon's Quest. Non. Maintenant. On pourrait quasiment dire n'importe quel, sauf le 2. Parce que le 2, tu n'as pas le temps de boire, tu es tout le temps en train d'approuver des boîtes qui te disent que la nuit arrive. Oui, mais c'est ça, Simon's Quest. Alors maintenant, il fait nuit, le soleil se couche. Toum, toum, toum, toum. Calvos. Mais tu sais, déjà, à l'époque, ils faisaient des éléments. Ils disaient, hey, vous avez plein d'heures de jeu. Non, j'attaque. Déjà, à l'époque. Puis toi, Mike? Hey, c'est une bonne question, sans farce. Je pense au pourcentage d'alcool, j'allais dire. Sans farce, justement, le petit côté château, tu sais, quand même un côté épique, là. On a quand même une ambrée... au goût, elle est quand même légère, mais je te dirais que là, j'ai presque fini mon premier verre de plastique. Puis je la sens quand même. Je la sens quand même qui est présente. Permets-moi de faire une parenthèse de secondes, ouais. Mike. Saluer Alexandre Carignan. Oh, ouais. Alex. Fidèle auditeur. Bonjour, Alex. Oui, on est d'accord avec toi, c'est un très bon choix. Ben oui, c'est sûr que c'est un bon choix. On a fait 20 minutes qu'on dit que c'est un bon choix, Alex. Allume. Non, non, merci, Alex, de nous saluer, fidèle auditeur. Mais ça fait, je sais pas. J'avais pensé à un RPG, genre m'assire devant Chrono Trigger. Mais là, je me dis 7%, j'irai pas loin, parce que ça se bat comme du jus. OK, mais là, vu que tu parlais du pourcentage, je me disais Seven Saga. En fait, j'ai vraiment eu une idée de Soul Calibur, un jeu de combat. Ah oui. Ouais, parce que, justement, tu peux te permettre de boire la bière. Puis là, je dis Soul Calibur à cause du côté épique. Il y a des armes, il y a des armures, puis il y a des personnages. Ah, la musique, tout. C'est ça. La trame sonore de ce jeu-là est assez solide. Même, à limite, Parlant de trame sonore, là, peut-être un bon vieux Killer Instinct sur SNES, là, ce serait pas, sur Super Nintendo, ce serait pas mauvais non plus. Sur Xbox One. J'ai hâte de voir. On pourra voir de quoi ça ressemble. J'ai peut-être pas été convaincu que les dernières nouvelles qui étaient sorties, mais bon. Mais ouais, un jeu de combat avec une trame de son épique, là, la Soul Calibur. Moi, je vais sortir quelque chose au début de la mythe, là. Je viens d'avoir un flash, là. Je jouerais à Panzer Dragon sur Sega Saturn avec ça. Ah oui! Oh, moi, ça, je ne peux... je sais pas c'est quoi. À vous, Eric. J'ai d'avoir le flash, là. Eh, tabarouette! Oui. Mais oui, qu'est-ce oui. donc, Panzer Dragon? C'est un jeu qui ressemblait un peu... Ben, en fait, gameplay ressemblait un peu à Star Fox sur la 64, mais en fait, on chevauchait un genre de dragon, puis on se battait contre d'autres dragons, puis des bébites, puis des vaisseaux. Ouais. C'était tout plein plus épique que Star sur Fox. Sur la Saturne. Le jeu était pas long, par exemple, parce que c'était un jeu qui était supposé être épisodique, mais malheureusement, la Sega Saturn n'a pas duré assez longtemps pour qu'on puisse voir tout. Non, puis ils ont sorti Horta quelques années plus tard, puis qui était comme... C'était... Bah. Ben, ils ont encore voulu améliorer le gameplay, mais le gameplay était déjà parfait à l'époque. Fait que c'est rare, je dis ça, mais sérieusement, Panzer Dragon au Sega Saturn, le gameplay était parfait. Puis même les graphiques, pour l'époque, il n'y avait pas de bug. C'était hallucinant. C'était beau, c'était capotant. Je maintiens mon point que la Sega Saturn a été une console qui a eu une durée de vie trop courte et a eu des opinions très sous-évaluées. Ben écoute, excellente suggestion pour ceux qui ont une Saturn. En fait, je pense que je jouerais au Saturn. Oui, c'est quoi, ça en prend une sur le bureau, là. Ouais. Andrew, faut tout mettre ça. Moi, je jouerais au Saturn en buvant une vie de château, sérieusement. Là, n'importe quel jeu, en général. Ben, moi, mon ami, il y a une Saturn. À part Sonic 3D. Puis il est en train de collectionner les jeux, sauf que la Panzer Dragoon, c'est assez cher à acquérir en ce moment si t'es un collectionneur. Je sais, moi, j'étais encore à l'étape de me trouver une Sega Saturn. Ah, lui, il l'a, puis il a pas loin de 60 jeux de Saturn facilement. Ben, tu lui diras que... De barrer ses portes. C'est ça. Bon, c'est... il est à Montréal, fait qu'il est un petit bout de chez toi. Et j'ai un auto. La distance ne m'empêche rien. Et là, on vient d'entendre Maxime, mais là, Maxime, j'allais arriver à toi, justement. Toi, tu joues à quoi, toi, en buvant ça? Moi, ben, ces temps-ci, j'ai eu un petit vif de Chrono Trigger, mais finalement, je me suis dit non. Finalement, c'était pas assez rêveur à mon goût. OK. Et après ça, j'ai pensé à Valse. Et qu'est-ce qu'on pense lorsqu'on valse? C'est Final Fantasy VIII, pas loin de l'intro. Ah. Je trouve que c'est rêveur, que c'est valseur. Je me retrouve souvent dans les nuages, le personnage qui est souvent dans sa tête. C'est sûr qu'après deux de même, les nuages s'en viennent, quand même tranquillement, là. Mais j'avoue que moi, mais non, un RPG, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de se claquer 6 heures à chaque fois qu'on joue un RPG, là. Mais des fois, justement, les Final Fantasy, le 6 aussi, il y a un petit côté romantique, un petit côté le fun que j'aime beaucoup aussi dans le 6 qui serait intéressant aussi, justement, avec la vie de château. Ben, l'opéra est particulièrement prenante. Je pensais exactement à cette scène-là, l'opéra avec Céleste, puis Locke, Ultros aussi, qu'on revoit. Non, ce serait ouais, juste, en fait, ouais, juste la scène de Final Fantasy, ce bout-là, ce serait vraiment le fun. Et particulièrement le fait que j'ai pu l'entendre live à Distant Worlds l'année passée. Et tu t'en vas les revoir, là, la prochaine fois. Oui, mais ça va être moins cool parce que l'année passée, il y avait Nobuo Uematsu dans l'assistance. Yeah! Mais un autre jeu, j'ai eu un flash parce que je parlais de nuages. Night. Il est parti, là. Ah, lui... Ouais, parti d'un nuage, moi. Non, mais... Nights into Dreams, le premier jeu à utiliser un joystick analogique, on peut dire, mais dans la génération 32 bits. Ouais. ANA, là. Exactement. Quel jeu aussi. Mais ça fit très bien avec ça. De la défunte Saturne, encore. Mais avoue que ça fit très aussi. Oui, oui. Ça rentre dans la catégorie, j'ai dit n'importe quel jeu de Saturne, là, mais... Non, je me rappelle du jeu. Mais moment nostalgie, là, Eric, toi, t'as déjà joué à la Saturne, là. J'ai déjà eu une Saturne. Ben, moi aussi, là, en fait. Mais t'as-tu déjà joué à un jeu qui ressemblait un peu à Myst, puis ça se passait dans une maison hantée avec des papillons, puis il fallait parler à des fantômes, puis résoudre des énigmes, puis avancer. Là-dessus, ouais, moi, je vais prendre une gorgée. C'était pas D, ça? Je me rappelle pas du nom, justement. C'était D, c'était sur la 3DO? Je vais googler ça. Mais je sais exactement de quoi tu parles, là. Ouais, mais hein? Le nom, il me vient il juste... Il était solide, ce jeu-là, de mémoire. Oui. Mais le D dont je te parle aussi, c'était un jeu à crisser à la chienne. Non? Ah ouais? Oh oui. Mais je me souviens juste plus sur quelle console. Que... Puis le pire, c'est que ce jeu-là, il était pas... Il te faisait pas te faire de tant de sauts que ça. C'est juste l'ambiance du jeu qui faisait peur. L'atmosphère, l'ambiance sonore, mais je me souviens... Parce que tu parlais avec des fantômes, puis tu sais, c'était assez glauque, là, le monde parlait, justement, là, puis il y avait des suicides, des viols, des meurtres, c'était quelque chose. Ouais, mais je viens d'avoir un flash aussi pour un autre jeu, Vampire Masquerade Bloodlines sur PC. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaisse. Ben, le nom me dit quelque chose, mais sans ben, plus. Vampire the Masquerade, la plupart des gens connaissent, le connaissent comme étant ce jeu-là de la compagnie White Wolf. Un jeu, un storytelling RPG où on joue un vampire d'un certain clan. En tout cas, bref, c'est habituellement, The Masquerade se passait dans l'ère moderne. Il avait fait deux jeux à l'époque. Bloodlines, que celui dont je vous ai parlé, puis il y en a un autre, je me rappelle pas c'est quoi le titre, le premier. Mais le deuxième, là, a été, ça, c'est un phénomène assez intéressant au niveau du jeu. J'en ai déjà parlé à l'émission dans le temps que j'étais seulement chroniqueur. Dans le temps que t'étais rien. Ça, dans le temps que j'étais rien. Dans le temps que j'étais comme toi, Eric, là. que chroniqueur. C'est un jeu qui avait été construit avec l'engine d'Half-Life 2, mais qui était très, très buggy, mais assez solide. Mais malgré ça, c'est comme un peu un Elder Scroll, là. Malgré ça, le monde a capoté. Parce qu'il était vraiment bien construit. Beaucoup de possibilités au niveau du gameplay, au niveau de la au niveau de la ligne directrice de l'histoire. Ça a tellement été populaire que quand c'est Activision qui avait fait le jeu, a décidé de plus faire de support au niveau du jeu. Il y a tellement eu une grosse vague d'utilisateurs qui ont tellement aimé le jeu qu'ils ont fait des patchs non officiel pour continuer à faire vivre le jeu. Moi, j'ai encore ça chez nous. J'avais trouvé ça dans un bargain bin chez eBay Game à 10$. C'est tellement une aubaine. C'est un des meilleurs RPG que j'ai joué. C'est vraiment solide. Puis c'est vraiment un jeu. Même le fait, c'est un des jeux. Il y a une scène où à un moment donné, on est avec notre personnage. Puis on rentre dans un hôtel qui est hanté. Cette scène-là, je me demanderais. Il faudrait que je le rejoue. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Quand je jouais, je fermais le son. J'avais vraiment la chienne. En passant, Eric, j'ai fait la recherche et tu es fort. Tu es fort, c'est vraiment D. Et voilà. Et en plus, il y a eu une version 3DO. Prosternez-vous. Donc, tu as eu deux bonnes réponses. Effectivement, il y a eu une version 3DO et Saturn, et c'est vraiment le jeu que je parlais. Là, il faut fouiller à ma mémoire maintenant, si à savoir à quelle version j'ai joué, la Saturn ou la 3DO. En plus, il y a eu une version MS-DOS et PlayStation. Oh boy. Diantre. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Mm. Et écoutez, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette chronique-là parce qu'on pourrait parler de bière pendant toute une émission. Toute une veillée de temps. C'est-tu moi ou c'est la vie de château déclenche ardeur et passion? Ben écoute, on est vraiment là-dedans, ça c'est sûr et certain. Écoute, mais merci beaucoup, Eric, de nous avoir amené ça. Comme toujours, ça fait plaisir. On va continuer à déguster. On vous rappelle, mais là, on va y aller avec nos notes personnelles parce que nous, à l'émission, on aime ça coter les choses. Eric, moi j'ai ta fiche devant moi, là, je sais combien tu donnes, mais il faut que tu dises aux auditeurs. Mais écoutez, mon total, moi c'est un gros 90%, ça frôle la perfection. De ton côté, Andrew, pendant que tu regoutes? Moi je vais suivre la note d'Eric, 90%. Parce que je suis pas un si grand amateur de rhum que ça, fait que j'apprécie beaucoup la bière. Mais pour qu'elle ait eu un 100, il aurait fallu qu'elle me réinvite à j'en bois d'autres. Tandis que là, j'en bois une, puis ça fait bien mon bonheur. J'en boirais peut-être pas 8. Mais mettons qu'à 8, ça risque d'être beaucoup, beaucoup lourd dans le ventre. Là. Mais moi, 2-3, sans problème. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais t'sais, une bière parfaite, c'est genre le goût parfait qui me donne le goût de revisiter la bière. Mais t'sais, j'en bois une, puis t'sais, peut-être que je passerai à autre chose, puis j'y reviendrai. Mais t'sais, j'ai pas l'envie d'en reprendre une tout de suite après. C'est pour ça que je donne pas ça. Merci beaucoup, Andrew. Max? Moi, je viens de checker ça là, puis mon calcul semble arriver à 87, principalement parce que j'aime beaucoup l'odeur de la vanille. C'est très réminiscent à quelque chose que je mets souvent dans mes thés, mes tisanes. Après ça, l'arôme, c'est pas juste la vanille, c'est un mélange d'odeurs. Bon, il est parfait. Savant mélange. Hein, son apparence, le monde est moi, en personnellement, feu. J'apprécie la couleur, tout simplement. Pas plus que ça. Puis la texture, ben, je trouve que ça roule bien dans la bouche. Fait que pour moi, c'est un 87. Un 87 précis, Maxime. Oui, Andrew, avec que je donne la note de l'animateur. Oui, ben, parce que je sais qu'on va retourner en musique après, probablement. On salue Véronique Thibault, Pierre Courtemanche. Bonjour. Qui nous écoute. Madame, monsieur, bienvenue. Ben, Véronique Thibault, qui est Pink Vivi. Oui, artiste, si vous pouvez la croiser en convention, allez la voir. Elle a vraiment, en plus d'être des beaux produits, une méchante variété. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Au moins grâce à elle, j'ai un magnifique macaron de chocobo maintenant. Et moi de Creeper. Yeah. Et Pierre Courtemange, évidemment, fidèle auditeur. Et d'ailleurs, je vais dire, répondre à deux choses rapidement, parce que là, sur Internet, c'est un peu compliqué. Je suis d'accord avec toi, Véronique, il manquait de Sonic sur la Sega Saturn. Sonic 3D, c'est vraiment une honte dans la franchise de Sonic. Tout à fait. C'était atroce. Et Pierre Courtemange, ben, on est tout à fait d'accord avec toi. Vampire the Masquerade Bloodline est un excellent jeu. J'y ai joué moi aussi. Et Mike est du même opinion que moi. C'est un excellent jeu. Tellement. Et pour suivre à ça, je donnerai ma note, qui sera également un 90, parce que c'est pas la perfection, parce que ça reste... C'est dur à atteindre au niveau... Parce qu'on a tellement des goûts différents, mais Vie de Château, c'est un must à goûter et même à avoir à la maison, comme Eric disait, dans sa petite réserve personnelle en cas d'invasion de zombies ou de visite de la belle-mère. Exact. Puis si vous en trouvez lors de votre visite au dépanneur, ben écoute, faites des provisions, parce que... Ils fournissent pas. Voilà. Ou ben vous pouvez toujours vous rabattre sur la désérable. On pourra en parler aussi à l'émission. En tirage très limité toutefois. Ouais. Ou ça fait que faites des réserves si vous les croisez dans votre dépanneur spécialisé préféré. Et M. Castellan, il est temps de continuer en musique. Et maintenant, on parle rétro depuis tantôt. Ben, on va aller en rétro version musique. On va aller entendre le thème de l'émission Sous le signe des mousquetaires à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. 96.9 CJMD. Wherever she walks, she'll be. 96.9. Let it ride. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères. La main dans la main, nous allons au combat. Pour notre pays et pour notre roi. Athos, Porthos, D'Artagnan et Aramis sont de pères, de bons amis. La devise qui nous soutient, c'est un pour tous et tous pour un. On peut compter sur nos épées s'il faut défendre notre amitié. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière sous le signe des mousquetaires. Pour avoir la paix, on fait la guerre. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière sous le signe des mousquetaires. On est tous des frères. Nous passons des jours et des nuits à cheval, poursuivant les gardes du cardinal. Nous nous battons bien, mais après la bataille, nous embrochons des volailles. Et l'on trinque à la santé de nos belles qu'on a quittées. Mais avant tout à nos épées, car elles défendent notre amitié. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière sous le signe des mousquetaires. Pour avoir la paix, on fait la guerre. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière sous le signe des mousquetaires. On est tous des frères. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière sous le signe des mousquetaires. Pour avoir la paix, on fait la guerre. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière sous le signe des mousquetaires. On est tous des frères. CJMD 96.9, la radio qui s'implique dans sa communauté. Alors, c'est Mickaël de Puissance Maximale à la Foire Geek. Et là, je suis devant Danny, un des organisateurs, un des gars qui est dans le projet de La Revanche. On a entendu parler, on en a parlé à l'émission aussi. Un pub ludique qui s'en vient à Québec. On sait qu'il y a quelque chose du genre à Montréal aussi. Mais là, enfin, on aurait quelque chose du genre à Québec. Salut, Danny, comment ça va? Salut, ça va très bien. Écoute, là, il y a plein de gens à Québec, à Lévis, partout dans la région, qui attendent impatiemment ce genre de commerce-là à Québec. Comment ça va, le projet? Oh, ça avance très bien. On va ouvrir très, très bientôt. Présentement, on est sur le choix du local. On a le choix entre deux. Ça va se décider très prochainement. Donc, dès qu'on va savoir, on va pouvoir l'annoncer aux gens qui sont très... C'est la question là, qui est sur toutes les lèvres là, de ceux qui nous croisent. C'est très bientôt, on va savoir. Le concept de La Revanche, un pub ludique, ça veut dire que... Est-ce que les gens, disons, une question comme ça, est-ce que la famille pourra s'y rendre pour jouer ensemble avec les enfants, ou ça va être vraiment plus pour les adultes, juste que là, dans pub ludique, on s'en est parlé hors d'onde tantôt, là, amateur de bière, on a une chronique à l'émission, c'est que j'imagine qu'il y aura des boissons alcoolisées qui seront servies sur place, donc est-ce que la famille pourra aussi être là? L'objectif est d'accueillir des mineurs, mais ça va dépendre du local qu'on va prendre selon les espaces, s'ils nous permettent d'avoir le permis pour permettre ça. Donc nous, pour nous, la famille, c'était très important. Donc il y a des possibilités d'avoir des mineurs, mais on va pouvoir le confirmer quand on va confirmer le local. Donc, un projet rassembleur à ce niveau-là. Écoute, moi, j'ai une question à te poser aussi au niveau de l'organisation. Comment ça va être pour les jeux? Est-ce que les gens vont pouvoir amener leurs jeux? Est-ce qu'il y aura des jeux disponibles sur place? Est-ce que tu auras une équipe d'animation pour expliquer des jeux? Exactement. Oui, les jeux vont être sur place, plus de 1000 jeux sur place. Donc, avec des animateurs qui vont expliquer les règles. Donc, pas besoin de s'inquiéter pour les règles. Elles sont expliquées par un animateur qui les connaît. Donc, s'il y a des questions pendant la partie, elles vont être répondues par les animateurs. Et donc, c'est tout ce qui est plus... c'est un clé en main, dans le fond. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour le jeu. C'est la place idéale pour essayer un nouveau jeu avant de l'acheter ou justement simplement... expérimenter les nouveaux jeux de société là, modernes. Là, il y a aussi une question au niveau du coût. Là, on se présente là, on va être un endroit, évidemment, on va pouvoir boire et manger. Est-ce que quand on va consommer sur place, est-ce que le prix de l'animation est compris? Est-ce que c'est à part? Comment tu penses que ça va fonctionner? Ça va fonctionner comme à peu près toutes les autres places du genre. Donc, il y a un coût relié au jeu, dans le fond. Si on veut jouer à la bibliothèque, dans le fond, l'accès à la bibliothèque. Si on veut jouer à un jeu, ça va coûter 5 $. Donc, 5 $ par personne, qu'on soit là 2 heures ou 12 heures, ça va coûter 5 $. C'est tout. Après ça, il y a les consommations. On peut consommer, il va y avoir de tout, là, à peu près. Thé, café aussi, pas juste de la bière. Donc, toutes sortes de l'eau et toutes sortes de cocktails là qui vont être... Là, donc, ouais, j'avoue que 5 $ là pour le prix, c'est vraiment pas cher. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Ça fait que là, côté boisson, on aura un peu tout. Est-ce qu'il y aura possibilité de manger sur place? Est-ce que ce sera un petit menu plus léger pour grignoter ou il y aura vraiment une cuisine avec des plats complets? Encore une fois, ça dépend du local. Il y a un local qui nous permet de faire plus de cuisine qu'un autre. Donc, ça va aller selon le choix de notre local final. L'objectif est d'avoir... C'est sûr qu'il va y avoir des choses à grignoter pour le soir, des desserts, etc. Par contre, au niveau du menu, on ne sait pas encore quel type de menu on va avoir. On va avoir juste quelques pizzas ou quelques sandwichs ou on va avoir un menu plus évolué. Excellent. Écoute, merci beaucoup, Danny, de nous avoir parlé du projet. Ça s'en vient rapidement, c'est en développement. Écoute, Puissance Maximale, on va suivre ça pour pouvoir donner plus d'informations aux gens de Québec là, sur ce qui s'en vient. Merci beaucoup, Danny. Les gens, merci. Puis les gens de Québec peuvent suivre aussi notre évolution sur notre page Facebook. Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va annoncer c'est où et la date d'ouverture éventuellement là et tous les détails qu'on a aussi hâte que vous de savoir, mais qu'on va pouvoir enfin annoncer à tout le monde. Excellent. Ben, on va mettre ça sur la page Facebook de Puissance Maximale pour que les gens puissent aller directement là-dessus pour s'informer. Merci beaucoup, Danny. Merci, ça fait plaisir. CJMD 96.9. La seule station sur la rive sud. We'll be right back.

normalement. Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Ah, Normand. À chaque fois qu'on l'entend, je peux pas croire. Il faudrait que je demande à François comment ils ont fait pour ramasser ça à l'époque. Donc, vous entendiez, évidemment, Normand Lamour. On l'aime, Normand. Ah oui, qui écoute Puissance Maximale. Et on vous revient, on vous a fait écouter Sous le signe des mousquetaires, une entrevue avec la gang du pub La Revanche. Hey, j'ai ça, ça que ça ouvre, ça? Surtout qu'on a parlé avec des autres instances de La Revanche. Ouais, qui sait, Eric, ça se peut qu'on se fasse inviter. Ouais, ben d'ailleurs, moi, c'est ça. On vous dit ça de même. Là, on va essayer d'être là lors de l'ouverture officielle avec Puissance Maximale. Pas juste pour aller profiter de l'endroit, mais aussi pour faire une émission sur place, là, question de... T'sais. Fait que ça se pourrait peut-être qu'on t'emprunte, Éric, pour découvrir cette place-là. Mais pourquoi pas? Et peut-être faire une petite chronique bière et jeux, mais version si on dit pas, ludique. Ça, ouais. Si on dit pas, parce que pas juste des jeux. Non, c'est ça. C'est que... Puis, ouais, c'est ça. Ce sera une version jeu de société. Malgré qu'on pourrait le dire aussi quand on fait nos... C'est juste qu'on n'y pense pas d'emblée. Hein. Mais avec la bière, on peut aussi jouer aux jeux de société. C'est possible. Alors, voilà. Absolument. Et on vous a présenté aussi Fear of the Dark du très légendaire Iron Maiden. Toujours bon à écouter ça. Et là maintenant, mesdames et messieurs, on va parler événements geek. En fait, organisation. Tu voulais faire une annonce avant. Oui, c'est vrai. Mike, je trouve que t'en perds. En fait, c'est pas marqué sur ma feuille, c'est pour ça. Décousu. Décousu. Ça doit être à cause de la bière. En fait, oui, merci Andrew. On fait une annonce comme ça. On avait, il y a quelques mois de cela, on a mis en vente des t-shirts Puissance Maximale. Et là, écoutez, on s'est dit, les fêtes s'en viennent. Il y a beaucoup de fans qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur t-shirt. Pourquoi pas leur proposer? On en a même eu deux rocs qui nous l'ont demandé. Ouais. Puis je pense aussi, que, je le veux aussi. Je pense que là, on pourrait penser à l'éventualité d'en shipper. Ouais. Si vous êtes auditeur européen et vous voulez votre t-shirt. Ça se fait. Ouais, parce on en regarde ça. On rappelle qu'on a des auditeurs européens, entre autres grâce à M. Pierre-Luc Pelletier. Mais aussi, il y en avait à Bannonware France. Oui, c'est ça. Qu'on salue d'ailleurs, on le dit jamais à... François le disait à l'époque, mais nous, on le dit plus. Ben oui, on est ingrat. On salue les gens d'Abandonware France qui, par un principe de miroir incroyable, retransmettent notre émission via podcast en France sur leur site. Salutations à nos amis français. Donc, si vous êtes intéressés, mesdames et messieurs, que vous soyez en France ou au Québec, d'avoir un t-shirt Puissance Maximale, évidemment, le t-shirt, vous pouvez aller sur le site, sur la page Facebook, en fait, la bannière, là, le logo Puissance Maximale avec le D au bout, c'est ce qui se retrouve sur le t-shirt. Ben, on veut en faire d'autres. Ça nous prend juste une demande suffisante. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-nous un message privé sur la page Facebook de Puissance Maximale. Vous nous dites la grandeur que vous voulez, on prend ça en note. Et dès qu'on a la grandeur, ben on les commande. Donc, plus vous allez dire rapidement, ben plus on va pouvoir les faire justement pour les fêtes, pour que vous ayez ça pour vos amis et autres êtres chers, afin de donner ça en cadeau. C'est un super beau cadeau, les t-shirts. Moi, bien Andrew, ça fait un long temps qu'on les a. On les porte souvent, pas juste pour les événements de Puissance Maximale. Je le porte même au bureau lors des vendredis relax. Et il est toujours très beau. Sans farce, des t-shirts résistants où on fait ça, on fait affaire avec une super bonne compagnie. Donc, vous allez avoir un bon produit entre les mains, puis superbe en plus. Donc, allez sur la page Facebook de Puissance Maximale pour aller nous dire si vous le voulez. Oui, Maxime? Ben, moi, je le veux. Mais tu auras le tien, mais de toute façon, toi, tu auras le tien parce que tu nous as aidé via notre campagne Indiegogo. Donc, tu auras ton t-shirt, bien évidemment, il est déjà réservé. Puis si tu me l'amènes bientôt, je vais le porter au prochain événement que j'assisterai. Oui, parce qu'on va parler événement geek avec Maxime. On va parler organisation d'événements. Parce que Maxime, on s'est connus avec Andrew lors de l'organisation de la première édition de Cap et Kimono en 2010. Et depuis ce temps-là, on se recroise partout à Québec et ailleurs en province. On est tanné de te voir, Max. Non, ben moi, je vous adore. Ça fait qu'on a dit, on va l'inviter à l'émission, on va régler ça une fois pour toutes, puis plus jamais après. Ben là, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Ça fait qu'on s'est dit, on en avait parlé avec Maxime, puis on l'a même mentionné à l'émission la semaine passée. Pourquoi ne pas parler organisation d'événements geeks? On en a parlé un peu dans mon coup de gueule il y a trois semaines, là, environ trois semaines à un mois, où je parlais des geeks cheap, disant qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent dans les événements qui comprennent pas à quel point ça coûte cher organiser tout ça. Mais je me suis dit qu'on pourrait parler d'événements en général, pas juste parler du côté argent, mais d'événements d'organisation avec Maxime. Donc Maxime, on s'est connus, c'est ça, lors de l'organisation de Cap et Kimono. Tu as travaillé dans plein d'autres organisations. C'est quoi les rôles que tu as occupés dans ces différentes conventions-là? Tu as été bénévole, tu as été... Mais je pense que ta force, là, moi je t'ai vu aller à Capikimono en 2010, mais depuis ce temps-là, je sais que toute ta force, c'est les invités. Oui, j'ai touché principalement les invités dernièrement, mais j'ai déjà été secrétaire, trésorier, vice-président, président, responsable des bénévoles, m'occuper des invités aussi en particulier, que ce soit Capikimono, que ce soit Tacuton, j'ai animé Montreal Comic Con. Excuse-moi, Max, donne pas de coups avec ton doigt sur la table. S'il vous plaît. Désolé, je suis pas habitué à la radio. Non, c'est normal, tout le monde fait... C'est pas grave, moi-même, je fais ça à la radio. Et juste pour dire à quel point que j'étais bon avec les invités à Capikimono, je m'occupais non seulement de tous les bénévoles en entièreté, mais je m'occupais aussi de l'invité d'honneur, Axl Rudd, en même temps. Oui, je m'en rappelle de cette époque qui est pas si lointaine, en fait. Écoute... on peut voir que t'as à peu près tout fait ce qui se fait dans une organisation d'événements. On en parlait hors d'onde tantôt en s'en venant vers le studio. On va parler des trucs qui vont moins bien. Parce que c'est sûr que dans les événements, la plupart des festivaliers, ils voient pas vraiment aller quand ça va mal. Parce qu'habituellement, c'est quand même bien géré. Mais un des gros problèmes qu'on a lors des organisations d'événements, là, on parle pas juste de conventions, là, que ce soit d'événements comme, disons, la foire geek ou n'importe quoi qu'on organise qui est geek. Ou événements en général, la communication. C'est difficile de se faire comprendre parce que maintenant, on parle via l'électronique. On fait beaucoup de messages via Facebook, par courriel. Puis il y a beaucoup de gens qui ont, en tout cas, moi, de mon expérience, ont de la difficulté. Des fois, quand on envoie des messages, des fois, il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre certains reproches comme étant personnels, tandis que tout ce qu'on veut, c'est que tout se passe bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la communication, pas juste au niveau de l'écrit, mais la communication, c'est une base dans ce genre de truc-là, mais aussi c'est un gros problème présentement dans les organisations? Moi, je dirais que ce soit un petit événement, un gros événement d'envergure, rodé à fond, dès qu'il y a moindrement du stress, de la tension, beaucoup de choses à faire en même temps, les gens osent arriver vite, ça peut arriver très rapidement que les communications peuvent détériorer rapidement au sein de l'organisation, auprès d'autres organisations et même auprès des festivaliers. C'est ça, parce qu'on se dit, si on n'est pas capable de se parler entre nous autres dans une organisation, qu'est-ce que ça va être quand ça va être le temps de parler avec notre commanditaire, avec nos marchands, avec justement nos festivaliers? Il faut comprendre que quand on fait un événement comme ça, puis une fois qu'on est sur le plancher, mettons, là, disons que l'organisation passée, on est en plein dans l'événement, ça sert absolument à rien de se stresser pour rien. Il faut juste régler le problème, puis se stresser, ça va juste... J'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, causer plus de problèmes qu'en régler. Ben, moi, une situation de communication que j'ai vécue, c'est éventuellement au début d'une convention, il y avait une personne qui posait des questions. C'était une représentante une ancienne conseillère de ville, et elle avait beaucoup de difficultés vis-à-vis tout ce qui se passait. J'étais bien occupé. Mais éventuellement, on s'est revus le lendemain. J'ai réussi à acquiescer à ses besoins et tout s'est bien déroulé. Il faut pas stresser à ces situations-là. Il faut pas paniquer. Il faut simplement prendre une bonne respiration, discuter avec la personne et à ce moment-là, on réussit à arriver à un milieu d'entente pour où ce que tout le monde est heureux. Mais je pense que tu vas être d'accord avec moi si je te dis que la meilleure façon de communiquer, oui, rapidement de façon pour les choses, on va dire, comme certains disent, la poutine quotidienne là, de l'organisation, de régler tous les petits problèmes. Mais quand on a des problèmes majeurs, je pense que tu vas être d'accord avec moi en disant qu'il faut se rencontrer. Les courriels, ça fait à un moment donné. On peut pas toujours parler via courriel. Il faut se rencontrer face à face. Là. Oui, c'était important. Moi, je pense même que c'est nécessaire de faire des réunions au moins aux 2 semaines. Oui. Disons 3 à 6 mois avant le festival, particulièrement quand c'est un festival un petit peu plus gros. Même encore là, à partir de 1000 festivaliers, déjà là, c'est un must. Oui. Et quand je veux dire aux 2 semaines, une fois 2 semaines, c'est... Le conseil exécutif. L'autre 2 semaines, c'est une réunion générale où ce que tout le monde est invité à participer pour qu'on ait vraiment un input du grand public. En fait, moi, tout à fait d'accord avec toi. C'est sûr que quand ça peut arriver qu'on ait une organisation qui se passe tellement bien, il n'y a pas tant d'anicroche important que ça, qu'une réunion 2 semaines, disons, à 6 mois, c'est peut-être pas tout le temps nécessaire. Mais j'avoue que il faut quand même prévoir ça. Il faut pas penser qu'on peut tout régler via courriel. C'est bien pratique, le courriel, ça va vite. Mais faut-il encore que les gens lisent leur courriel? Ça peut être un problème. Ça, je suis entièrement d'accord. Ça arrive des fois que les gens, vu que des fois, c'est des organismes à but non lucratif, ils ont d'autres choses à faire, que ce soit leurs études, que leurs emplois du temps, leur blonde, leur chum, leur autre priorité de la vie. Ça arrive toujours que... Au bout du compte, c'est un hobby qui peut être manqué. Mais ça m'amène justement à un autre truc, Maxime. La plupart des conventions, quand on parle, là, ici, on a beaucoup, nous, été dans les conventions d'animé japonais, trucs du genre. Ça, habituellement, c'est un modèle OSBL. J'en ai déjà parlé à l'émission. Donc, c'est une OSBL, donc un organisme sans but lucratif qui fait rouler l'événement. L'argent qu'ils font en profit, quand ils réussissent à avoir du profit, ben ils réinvestissent tous dans tout. Tout ça est réinvesti dans l'événement. Il n'y a personne qui se garde l'argent. Tout le monde est bénévole. Donc, c'est une réalité qu'il faut prendre en perspective. Il faut comprendre que les gens qui arrivent là, justement, comme tu disais, on est dans une réalité qu'on n'est pas tout, on n'est pas payé pour faire ce travail-là. On le fait parce qu'on aime ça, mais on a aussi une vie à côté. Tu as travaillé aussi dans des organismes comme dans des organisations comme Comic-Con. Je sais pas à quel... T'étais pas dans l'organisation en tant que telle, je pense, là. T'étais beaucoup avec les invités. Mais j'imagine que t'as quand même pu sentir un peu la dynamique au niveau du personnel, au niveau du monde. Parce qu'il faut rappeler que Comic-Con, ça, c'est à but lucratif. Tout à fait. Ils veulent faire des sous avec ça. Oui, j'ai beaucoup vu un niveau de professionnalisme définitivement marquant, prononcé. J'ai remarqué aussi que les gens, les invités, quand ils arrivent, sont conduits dans des Audi, dans des Tesla, dans des Cadillac. Pas rien en dessous de ça. Sérieusement, ils traitent la crème de la crème. Par exemple, Patrick Stewart, l'année passée, je me suis occupé de lui à Montreal Comic Con 2012 et lui, il se faisait amener à droite puis à gauche. Il était au Queen Elizabeth. Il se faisait promener par William Shatner, bien sûr, qui ont travaillé pas mal les deux années ensemble. Ça, évidemment. C'est quelque chose de les voir en arrière-plan. Ils risent ensemble puis... William, c'est vrai qu'il parle pas mal. Mais c'est sûr que quand on est payé, moi, c'est sûr que je vais mettre... C'est sûr que tu t'investis plus quand c'est un emploi rémunéré, là. Ça, c'est sûr et certain. Ça. Mais il faut pas dénigrer, par exemple... Mais on le fait pas non plus, là, présentement. Mais il faut rappeler aux gens que faut pas dénigrer les bénévoles, justement, dans les organisations OSBL, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui s'abat pendant l'organisation de ces événements-là. Écoute... Moi, j'ai travaillé aussi à Janimé, j'ai travaillé à Atacuton, j'étais sur l'équipe de sécurité à Atacuton en 2011, à Janimé. Ben, on y va en tant que média, mais M. Biron, pour ne pas le nommer, il aime bien quand je donne un coup de main à l'occasion. Et écoute, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se donne énormément dans ces organisations-là, faut le rappeler. Mais il faut aussi rappeler que certaines personnes se présentent dans des équipes d'organisations puis qui pensent qu'ils vont pouvoir profiter de l'événement. C'est pas la même chose du tout, là. Pas du tout. Je veux dire, tu peux pas profiter de l'événement autant qu'un visiteur, autant qu'un bénévole. Parce qu'un bénévole, c'est quelques heures comme ça pour te faire rembourser une partie de ta passe. Mais quand on est staff, on est staff. Moi, j'ai rencontré du monde qui n'étaient pas capables de comprendre que quand on fait partie d'un staff, d'une équipe de convention ou d'organisation d'événements pour juste être une convention, là, qui leur priorité, c'est de faire marcher l'événement. Ça peut être un problème. La dernière événement que j'ai runné, j'ai à peu près rien vu. Il y a une activité que j'ai voulu absolument participer. J'ai pu y aller, mais je m'ai fait interrompre trois fois par la sécurité, par d'autres membres. Et il fallait absolument que je quitte la place. Puis j'étais comme, mais j'ai pas le choix d'y aller. Mais ça, il faut être conscient de ça. Moi, quand j'étais justement dans des événements pour travailler à Takuton, à Capikimono, à Janimé moins parce que j'aide comme ça, là, mais à Takuton puis à Capikimono, moi, j'ai rien vu aller. Mais il faut être conscient qu'on travaille, même si on est bénévole, c'est un travail. Par contre, on peut quand même un peu profiter de l'événement, particulièrement quand on a bien rodé la chose et qu'on a vraiment bien planifié. Comme moi, par exemple, à un moment donné, je me suis occupé des invités, je me suis occupé de communication, je me suis occupé de vraiment gérance d'un événement. Et avec tout ça, avant le festival, je capotais. Pendant, ça m'est arrivé 3-4 petites anicroches, mais sinon, à part ça, je renais bien. Je m'occupais des invités d'honneur en même temps. Et sérieux, j'ai quand même pu m'amuser un tout petit peu. Ah, c'est sûr que l'organisation autour, là, ça aide. Si c'est, comme tu dis, bien canné, là, c'est sûr que ça va mieux aller. Ça, c'est sûr et certain. Ça fait 5-6 ans à peu près que je m'implique dans l'événementiel. Sauf faut dire que je donne beaucoup de temps. J'ai déjà dit que des fois, on a d'autres priorités dans la vie. Moi, j'ai mis beaucoup de priorités dans l'événementiel. Par exemple, il y a un festival, j'ai mis 1 000-1 500 heures dans une année bénévole. Et ça, c'est beaucoup de planification, c'est beaucoup de to-do list. Exemple, j'avais une to-do list 2013, puis il y a 6 mois, j'avais déjà ma to-do list 2014 que je commençais à remplir de choses à faire. J'avais 45 points à faire. Puis c'était pas des petites choses, c'était communiquer avec la ville, c'était vraiment partir en relation avec d'autres conventions. Sérieux, mieux que t'es préparé, mieux que c'est pour le festival. C'est mieux que c'est pour toi aussi, une fois sur le plancher, là, parce que quand c'est bien géré puis que tout le monde fait sa job... ben t'es pas obligé de faire la job de trois autres personnes, puis tu peux profiter de ton événement, parce que tous ceux qui participent à ces événements-là en tant que bénévole, en tant que staff, en tant qu'organisateur principal, c'est leurs événements, c'est eux autres qui les montent, c'est eux autres qui font que ces événements-là restent. C'est pour ça que des fois, quand j'entends le public chialer un peu, je fais « Soyez conscients de cette dimension-là. » C'est sûr que quand on fait un événement, en même temps, moi j'ai toujours eu le dicton dans la tête de dire « Si t'es pas capable de le faire, fais-le pas. Si t'es pas capable de le faire comme faut, fais-le pas. Tant qu'à le faire tout croche, reste donc chez vous. » Mais il y a du monde, des fois, qui comprennent pas ça. Je sais pas si tu as vécu ça, toi, Max, au niveau des bénévoles. Moi, c'est déjà arrivé. J'avais vu ça dans d'autres conventions. T'arrives, puis le bénévole, il arrive, il dit « Ah, oh, moi, je vais faire 4 heures. » Finalement, après une demi-heure, il sac son camp, puis on leur voit plus de pain, tout. Ça m'est arrivé une seule fois à Capikimono sur 24 bénévoles. On m'avait dit « Ah, oh, la moitié vont pas se représenter, ça va mal aller. » Souvent dans les conventions, et pourtant, c'est ça. Et pourtant, j'en ai juste un qui a quitté son poste sur les 24, et c'était ma première fois que j'étais responsable des bénévoles. Tu parlais tantôt, tu sais, versus bénévoles, versus salariés. Il faut pas oublier que souvent le bénévole le fait par passion. Oui, absolument. C'est ça. Ouais. Et passionnés, c'est des personnes qui connaissent leur domaine, qui sont capables de répondre aux questions des festivaliers, exact, si on leur pose. Beaucoup, ouais, plus compétent que le salarié qui est là pour la paye. Ben, ça dépend. Dans le domaine des conventions, il y a beaucoup des gens qui sont salariés, qui c'est déjà des gens qui trippent là-dessus. T'sais. Mais le problème des bénévoles, ben, c'est pas vraiment, ben, oui, c'est un problème, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui se rendent pas compte souvent que 3 heures de bénévolat donné, c'est à la discrétion de l'organisation de dire, ben, je vais te prendre une heure là, c'est selon les besoins, il faut que tu t'adaptes. Ça se peut qu'ils disent, ben, tu restes 3 heures assis à côté de la porte qui est là, puis tu matches le monde rentrer. Et oui. Mais, tu sais, on a l'avantage de se faire rembourser une partie de ta passe. Puis, on a des cadeaux souvent quand on fait beaucoup d'heures, là. Mais, être bénévole, c'est ça, mesdames et messieurs. Puis, imaginez. Et voilà. Imaginez si vous allez à une convention, vous décidez d'être bénévole pour aider une heure ou deux, là. Ben, imaginez-vous que ceux qui organisent la convention, là, mais ça fait une année au complet qu'ils sont bénévoles. Mais il y a aussi des positions qui sont un peu plus le fun que surveiller. Oui, tout à fait. Là. Par exemple, moi, j'ai des bénévoles qui s'occupent littéralement des invités. Oui. Et quand je veux dire des invités, ça peut être des invités d'honneur qui proviennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis, qui sait, même peut-être de l'Asie. Fait que ces gens-là, moi, je trouve qu'ils sont quand même assez choyés. Ils sont privilégiés, c'est le fun, ça. Pas juste ça, j'en ai un, c'est un ancien militaire, il est guide du Vieux-Québec, puis lui, je l'ai fait faire une visite guidée de nos invités d'honneur, puis ils ont trippé en masse, oui. Puis lui-même, il était aux petits anges. Mais il faut pas que les gens aient peur non plus, là, je dis que c'est... Il y a des postes plus plates, mais ça doit se faire, mais en même temps, vous avez la chance, justement, d'être dans les coulisses d'une convention. Ça, c'est hautement intéressant. Ah, moi, personnellement, c'est ce que j'adore le plus, c'est essayer de quoi de nouveau à chaque fois. Même si je me suis rendu jusqu'au stade d'organisateur, j'aime ça être bénévole. Par exemple, à Janimé, j'ai fait bénévolat, j'ai surveillé une salle. Oui, c'est bénigne, mais moi, j'ai quand même apprécié de faire ça pour savoir me mettre à la place ben des oui. autres. Par exemple, Janimé, j'espère y aller en janvier. Ça va dépendre si... Ben, on va t'attendre là, dans le party room là, le samedi soir, là, parce que nous, on va être là. L'affaire, c'est que ça arrive souvent en même temps que Amitié Québec-Japon à Québec, où il y a le consul général du Japon à Montréal. Et moi, ma passion, ben mon oui. amour... La culture japonaise. La culture japonaise. Donc, où le consulat général du Japon est, généralement, je suis. Mais s'il n'est pas là en même temps... Je vous assure que je vais être avec vous en train de faire le gros party. Excellent, ça. On aime ça, un gars motivé comme ça. Ouais. Hey, je vais parler d'un événement, l'événement habituellement dans une convention, la mascarade. Ça demande beaucoup de travail. Il y a une directrice, directeur de mascarade. C'est tellement gros que ça se passe en dehors de l'organisation principale du festival. Ouais. C'est une personne qu'on mandate à l'extérieur, quelqu'un qui est de degré master. Pour ceux-là qui ne connaissent pas vraiment les rangs, il y a débutant, intermédiaire, journeyman, puis après ça, il y a master. Si j'en ai skippé un, je m'en excuse. Bref, il y a des niveaux. Puis quand on en parle souvent à l'émission, mais c'est très sérieux la mascarade là, dans ces conventions-là. Et effectivement, comme tu dis, c'est vraiment à part. On a le directeur de mascarade qui dit « Organise-toi ». Viens nous voir, fais-nous des rapports à l'occasion, là, mais nous, on touche pas à ça. T'organises ton show. Parce que c'est un show, là. C'est pas juste une parade de mode où les gens viennent montrer leur cosplay, leur costume. C'est vraiment, il y a de la musique, il y a une présentation. Il y en a qui ça peut être vraiment comme une parade de mode, là, c'est à la discrétion des gens. Mais c'est une grosse organisation. Toi, as-tu déjà participé en tant qu'aide lors d'une mascarade? J'ai vu un petit peu en arrière-plan dans la Green Room. Ça, c'est l'espace en arrière où ce que les festivaliers, les participants y attendent leur tour. C'est un moment quand même assez important parce que les gens doivent attendre là des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, si même 5 heures. Ils ont un petit peu de nourriture à côté pour s'occuper d'eux. Puis, un des rôles importants, c'est les den parents, si je me trompe pas trop avec les termes, qui doivent divertir ces gens-là, les garder calmes, les empêcher de devenir stressés de monter sur scène devant peut-être 2 000, 3 000 personnes, faire leur performance. Il y en a qui, des fois, tombent en pleurs avant, après, puis les den parents, ils doivent littéralement les aider moralement. Ouais. Et ça, c'est vraiment, selon moi, l'élément le plus important. C'est un bel job, ça. C'est le fun. Oui, tu te lis très proche. Ça crée une communauté familiale tellement que c'est important. Exemple, une personne que je respecte énormément, c'est Emmanuel Hainaut. Oui, Emmanuel, on le connaît à l'émission. Un ami personnel là, qu'on a connu en convention. Oui, oui, c'est grâce à lui, en quelque sorte, que j'ai pu m'occuper d'un invité d'honneur à Tuckerton, Steve Downes, la voix de Master Chief dans Halo. Oui. C'était tout un honneur. Sérieux, je l'ai écouté parler et pendant 2 heures à convention. Puis sans lui, sérieux, je pense que j'aurais resté à Québec principalement. Mais encore là, ma première convention, c'était à Washington, Otakon en 2007, puis ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré en quelque sorte. Mais Emmanuel Hainaut, sérieux. Non, oui, mais Manu, il s'implique dans plein de trucs, dans plein de conventions au Québec. Moi, je l'ai connu à Capikimono, là, une super belle rencontre. Au niveau de la mascarade, moi, ça m'impressionne beaucoup. Il faut dire que des fois, c'est pas un spectacle qui est super excitant, disons, pour ma part, parce que j'ai un background à ce niveau-là, des fois, que quand je vois des défauts, ça me fait tiquer. Mais faut pas oublier, justement, que c'est des gens, principalement, qui font des costumes. Ils mettent beaucoup d'efforts là-dedans. Ils mettent beaucoup d'efforts là-dedans. C'est pas nécessairement des gens de scène. Ils vont, il y en a qui veulent, ils vont parce qu'ils veulent le montrer, ils sont fiers, mais c'est tout un défi de monter sur scène pour montrer un truc qu'on a fait, là. Puis c'est pas juste ça. Des fois, il y en a qui veulent se faire un numéro. Monter un numéro efficace, rythmé, qui amène vraiment, qui fait lever la salle, là. C'est pas donné à tout le monde. Donc, les gens font ça à la maison. Là. C'est pas la directrice de mascarade leur sert pas de metteur en scène. Ben, la meilleure exemple que j'ai vu en termes de cosplayer assez passionné, j'ai vu la salle de couture d'Elisa Pocket-Lessard, puis je peux dire, son nom, c'est Armurita, et elle a des dizaines, c'est pas des vingtaines ou même des trentaines de costumes. Elle a fait tout plein de costumes. Cette année, elle est allée à Catucon, puis elle a gagné Best in Show au niveau maître, puis elle organise des mascarades. Donc, elle, c'est vraiment une figure de proue, je trouve, ici à Québec. Fille de la région, c'est ça, en plus, là. Oui. Il faut en être fier pour les amateurs de cosplay. C'est une incontournable dans le coin. C'est ça, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la mascarade seulement, qui vont en convention des fois seulement pour la mascarade, puis qui reviennent pas le dimanche. Il y en a beaucoup qui font ça. C'est un événement qui est très couru. C'est quoi ton poste préféré que tu as occupé jusqu'à maintenant, là, dans le niveau des organisations? Sérieux, m'occuper des invités, encore une fois, je peux pas le répéter assez fréquemment. C'est un plaisir de discuter avec eux, de rentrer en communication, de faire du réseautage, d'aller à des événements pour vraiment en rencontrer davantage, de les promouvoir, de les permettre d'assister à plus d'événements. Pour eux autres, quand ils viennent ici, par exemple, à Québec, c'est un lieu touristique merveilleux, le Vieux Québec. Sérieux, ils capotent à voir notre ville. S'occuper de ces gens-là, de les loger, de trouver un moyen pour bien les nourrir, les montrer les bons restaurants, de organiser leur horaire. Sérieux, de A à Z, j'adore. Parce que les invités sont pas toujours en panel ou en signature pendant les conventions. Ils ont des temps morts, puis il faut les meubler, ces temps morts-là. Oui. Puis la meilleure façon, c'est de leur faire découvrir la ville, surtout à Québec. Un exemple, c'est en passant Oshivo qui s'en va à Janimé. Eux, je m'étais déjà occupé d'eux par le passé. Ils arrivaient, puis il n'y avait pas grand-chose de prévu. Eux autres ne savaient pas trop quoi faire. Je m'y assis avec eux, je les ai donné des ramen, je les ai montré notre horaire de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. J'ai pogné un de mes amis comme ça au hasard. J'ai dit, hey, toi, Dave Barbeau Latimer, un bon ami gamer à part de ça, j'ai dit, tiens, toi, tu vas t'occuper d'eux pour la fin de semaine. Il a fait quoi? Mais je le faisais bien confiance, c'est un bon chummy, puis. Ils ont amené au Vieux-Québec, ils ont fait le party, ils ont bu un petit peu avant le show, mais ils ont quand même réussi à faire de quoi de pas pire. Ah, mais c'est correct, c'est des artistes, ça. Ils ont dit officiellement qu'on les avait mieux traités que Anime North. Ouais, mais Toronto, Limit North, là, à un moment donné, là. Québec, Toronto. Hein? Voilà. On s'entend qu'on. Tout est dit. C'est ça. Voilà, c'est réglé. Mais moi, je pense que c'est vraiment la manière qu'on les a traités. C'est la passion derrière comment qu'on les accueille, comment qu'on les encadre, comment qu'on les donne, malgré qu'on les encadre, la liberté, en faut plus pas de regarder traiter. Leur festivalier. Faut pas les traiter juste en vedette, là. C'est des invités, là. Oui, c'est des êtres humains. Genre, soit quelqu'un chez nous, là, moi, c'est... Viens-t'en, on va manger, on va jaser. Tu lui donnes un verre d'eau provenant de la toilette, t'sais. Non, c'est ça, c'est un petit verre d'eau, assis-toi là, puis attends ton tour. Non, pas du tout, là, quand on rentre chez nous, c'est festif. Donc, oui, tout à fait, je comprends très bien ce que tu veux nous dire, Maxime. Écoute, c'est déjà la fin, ça va vite, on est déjà à la... À la demi-heure de la dernière heure de Puissance Maximale. Merci beaucoup, Maxime, d'être passé. Puis oui, je sais que tu avais un message à passer à certains amis communs. Oui, Véronique Thibault, je voulais juste lui dire, Puissance Maximale, c'est sûr et certain que je vole leur T-shirt. Mais là, ça fait un an presque que je dis que je veux son T-shirt. Fait que là, je vais te reparler prochainement, mais là, vu que je l'ai dit en ondes, il faut que je t'achète un T-shirt, puis tu sais lequel que je veux dire. Le message est lancé, Véronique, par Maxime, Puissance Maximale, là. La pression est sur tes épaules. Merci beaucoup, Maxime, d'être passé à l'émission. Ça fait plaisir, Mickaël. Et M. Castagan, on va aller en musique. Et là, on va y aller avec des petits rythmes latins, avec une chanson qui provient de la série Les Simpsons. Ça s'appelle Senior Burns. Et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. CJMD 96.9. Branché sur Lévis. CJMD FM. La radio de la Rive-Sud. CJMD débute la journée du bon pied avec Laurence et Mathieu. Horoscope, offre d'emploi, actualité et musique entraînante. Deux toasts et demi le matin, du lundi au jeudi, 8h. En semaine, du lundi au jeudi dès 20h, ne manquez pas les Rois du sport avec Valier Roy et ses chroniqueurs. CJMD FM. La musique. Vous en voulez? En voilà. La seule station sur la rive sud. Wake up! Wake up! Grab my shit, put a little makeup! Vous aimez ça? Ben, en voulant encore! Est-ce qu'on était bien de voir au monde si qu'il y a? Chic, chic, chic, ça va, chic, Et ça donne qu'on a les artistes d'ici aussi. La cerise sur le Sunday. Je suis content de mon ouvrage et mon métier, je suis bien payé. Ouais ben, c'est ça, hein. CJMD 96.9, la seule radio sur la rive sud. La comptabilité vous donne des maux de tête. Baudry Dawson Service Comptable vous allège la tâche et réduit votre niveau de stress. Tenue de livre, paye ou même transfert électronique, Baudry Dawson s'en occupe pour vous. Baudry Dawson, Service Comptable, 425 Chemin des Chutes, Saint-Nicolas. 418-836-1881. CJMD 96.9 FM. Hi, this is Pat Contry, the NES Punk, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, après une chanson de des Simpsons, Seigneur Burns. On vous a ensoleillé ça, ce petit soir-là, là, du mois de novembre. Et là, on y va. Avant d'aller en nouvelle ludique, rapidement, on a Max là, qui voulait dire à Pierre qu'il avait barre de choix à donjon. Et aussi, écoute, Pierre, t'avais posé une question sur la page disant que tu voulais que je parle de mon expérience de sécurité en convention. C'est probablement, selon moi, le poste le plus demandant. Parce que moi, dans mon expérience, à Cap et Kimono, j'en ai géré un peu avec Andrew. J'ai géré des bénévoles, puis j'ai aussi... Un peu, hein? Ouais, un peu beaucoup. Puis là, à Tacuton, ben, j'étais comme le numéro 2 de la sécurité en 2011. Et ça a été toute une patente. J'ai fait de nuit, j'ai pas beaucoup dormi cette année-là. Pierre, tu le sais, de toute façon, t'as fait beaucoup de sécurité également. Mais pour les gens qui se demandent, la sécurité, c'est bien des affaires. C'est gérer les entrées pour que le monde ait leur passe pour rentrer, qu'il est bien payé, pas que personne court pour rien, pour que personne se blesse, s'arranger la circulation du public aussi, pas que personne bloque les couloirs. Ça a l'air bien niaiseux de même, mais dans une convention, quand ça bloque dans un corridor, ça peut ralentir et faire chier bien des choses dans une convention. C'est qu'il faut que ça bouge. Dans des conventions comme Otakuton, où il y a de la projection de trucs plus pour adultes la nuit, surveiller les cartes d'identité, s'assurer que les gens ont l'âge qu'il faut pour rentrer. Puis nous, à Otakuton, on avait eu un problème, une jeune fille qui s'était blessée pendant la journée à la jambe, qui avait marché sur sa blessure toute la journée. On l'a retrouvée, il était 3h du matin avec des amis, puis elle nous dit qu'elle a mal aux pieds. Il a fallu la ramener sur le dos d'un des gars jusqu'à ce qu'on a notre dispatch, on avait notre truc pour nos CB, l'ambulance, la grosse affaire. La jeune fille avait vraiment pas fait attention dans la journée, elle n'avait pas parlé à personne. Donc nous autres, on l'a trouvé vraiment la petite fille avait pas beaucoup d'argent. Alors, c'est une drôle d'histoire ça aussi. Quand vous allez en convention, allez-y donc quand vous avez les moyens, que vous êtes bien organisé, parce que la jeune fille en question était venue avec des amis qu'elle avait rencontrés sur internet. Une histoire de la jeune fille avait pas de parents immédiats qui appeler, elle avait pas assez d'argent pour trouver une place pour dormir ni pour manger convenablement. Donc c'est le fun les conventions, mais manger puis dormir avant toute chose, c'est mais en même temps, ton rôle de sécurité t'a permis de rencontrer des gens incroyables, oui. Comme exemple Franck Pitiot que t'as escorté. Ben oui, ben Franck Pitiot que j'ai. Et Stanley. Ouais, Stanley que j'ai participé au photoboot de Stanley à Comic Con en 2011. C'était vraiment vraiment le fun. On avait fait la sécurité avec Andrew un peu là, à Comic Con à Tacuton, à Janimé, j'avais rencontré Franck Pitiot. C'était principalement pour l'émission, mais il y avait eu un besoin urgent là de quelqu'un, ça fait que j'avais participé un peu. C'est sûr, ça nous fait rencontrer des gens super le fun. On voit l'envers du décor, mais c'est beaucoup beaucoup de travail pour les gens qui veulent vraiment travailler dans le domaine des conventions, qui ont vraiment du temps à donner, qui sont prêts à faire des trucs de nuit, mais vraiment toute la nuit là, pour vrai là. Pas dire je suis tough puis à minuit on va se coucher là. Non, des trucs. Moi j'ai veillé à des pas dormir puis à des 5 heures du matin là. Je te comprends tellement. Ouais, c'est ça. Donc il faut être prêt à faire ça. C'est une expérience très le fun mais très demandante. J'ai fait 76 heures de suite à Capimono 2010. C'est ça. Avec moi. Dis-moi. c'est pour ça qu'on se connaît bien avec Max. On a eu les mêmes expériences. Donc voilà, c'est dit, écoute, c'est résumé un peu. Je peux pas tout parler parce qu'on a d'autres choses à parler à l'émission, Pierre. Mais en gros, c'est ça. Très demandant. C'est beaucoup sacrant des fois quand tu travailles avec du monde qui sont pas fiables. Mais C'est toujours, toujours, toujours intéressant. Et on apprend beaucoup de choses quand on fait de la sécurité dans des conventions. Voilà, maintenant que c'est dit, nous allons passer en nouvelles ludiques, M. Castigan. Oui, sorti une couple de nouvelles. Évidemment, ça parle beaucoup des consoles qui sortent cette semaine ou la semaine prochaine. Première nouvelle, je vais faire plaisir à Eric, même s'il va s'en turbo-torcher de cette nouvelle-là. La Xbox One ne lira pas les Blu-ray 3D au lancement. Hein? Avoue, Eric, que ça te fait un pli quelque part. Il était même pas tout seul à s'en sacrer. Mais bref, tout ça pour dire que les possesseurs de télévision 3D ne pourront pas lire des Blu-ray 3D sur la Xbox One au lancement. Mais Microsoft a sorti un petit message pour dire « Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, ce sera chose faite lors d'une mise à jour. » Et voilà. Mais on s'en sacre dessus, les TV 3D. Hein? Qui est-ce qui en a? Mon père. Mais tout le monde. Mon père en a une. Tout le monde a une TV 3D aujourd'hui. Ah ouais? Va au magasin et achète une nouvelle télé HD et 3D. T'as deux pets à barnique qui viennent avec ça. Puis c'est pas intéressant. C'est tout, là. C'est bien hot, là. Puis faut pas que t'aies de problème de vision. Et, ben au contraire, hein. Parce que pour avoir essayé la 3DS, puis avec mes problèmes de vision, ça marche pas, mais au crissement pas, pantoute. La seule façon d'avoir de la 3D, c'est avec des lunettes polarisées. Ouais. Si c'est pas polarisé, ça marche pas. Fait que ça fonctionne, là, c'est bien cool, là, mais c'est une console de jeu. Ouais, mais même au cinéma, là. On s'en tape. C'est ça. Le 3D, on en a rien à cirer. C'est le fun dans un manège. Tu sais, une patente divertissante. Chez Max, c'est cool. Chez Max, c'est ça. On va voir des poissons, puis. Mais j'avoue que j'aurais aimé ça aller voir True Than Ever, Metallica. J'aurais aimé ça aller le voir, par exemple. Ah, t'es pas là encore? Non. Mais là, qu'est-ce que t'attends? Quelqu'un pour y aller. Yeah! Je suis supposé y aller avec mon frère, mais ça marche pas. Il y a eu un enfant. Éric est prêt à retourner avec toi n'importe quand. Un enfant, quel prétexte. Attends, toi, monsieur Canal Famille. Donc, merci Andrew pour cette nouvelle. J'imagine que t'en as une autre. Oui, ben là, on va faire répondre à quelques questions PS4. Dans le fond, je sais qu'encore une fois. En fait, lors de l'annonce de la PlayStation 4, Sony avait dit que malheureusement les CD audio et les MP3 ne seraient pas lisibles sur la PS4. Ça avait fait une tollée de réactions. Le monde avait fait comme « Oh mon Dieu, on pourra écouter notre musique » ou quoi que ce soit. Ben, Sony a finalement revenu sur leur décision et dire « Ben, finalement, ça va marcher. » Écoute, moi, je peux comprendre les gens qui se servent la console comme un peu centre multimédia. Moi, j'ai mon PC à côté, ça fait que j'en ai rien à cirer. Mais... pour les gens qui ne sont pas des joueurs PC, qui sont pas équipés audio chez eux, je peux les comprendre. Mais mettons que... mais en même temps, tu sais, c'est quoi de permettre la lecture de ce genre de fichier-là? Ben c'est ça. Dans le fond, il disait que la console au lancement ne lira pas les MP3 et les CD audio, mais que la décision de Sony de ne pas faire ça n'est pas arrêtée, ferme, finale. Donc, on parle peut-être d'un changement. Encore une mise à jour, là. Une mise à jour. Oh oui, ça va être possible après une mise à jour d'une heure et quart. Et là, j'ai hâte de voir avec le PSN, avec le PS4, comment ça va réagir. On est supposé pouvoir jouer en même temps que les mises à jour se font. C'est ça qu'on... c'est que je suis de mauvaise foi. Ah, tellement. Mais sinon, autre nouvelle, Sony, malgré qu'ils l'ont déjà dit, redit, reconfirme que oui, il sera bel et bien possible de prêter l'enjeu de PlayStation 4 et de les revendre. Ils ne seront pas associés à la console. On vous le reconfirme nous autres aussi, mais pour une autre fois, parce que j'ai repris cette nouvelle-là parce que je l'ai vue et effectivement, moi qui ai une émission de radio, ça arrive que certaines personnes viennent me poser la question si ça sur la PlayStation 4 arrive et ça, cette question-là m'est revenue plusieurs fois. Donc oui, je vous le répète, il est possible de prêter vos jeux et de les vendre. Moi, ce que je trouve quand même, je trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup récemment, c'est sûr que la console va sortir, mais Sony a sorti beaucoup de nouvelles par rapport à sa nouvelle console récemment, là. Je sais, ils veulent vraiment en vendre beaucoup. On sait que là, pour le moment, ils vont en vendre plus que la Xbox One à cause de tout ce qui s'est passé au E3. Il y a encore ce petit côté-là là, que les gens ont encore en tête. Mais le crois-tu vraiment, ça? Tu penses pas qu'ils sortent tant de nouvelles que ça, justement, parce qu'ils ont un chienne de pas en vendre autant que l'autre? Non, ça m'étonnerait. Je pense pas qu'il y avait la chienne, parce que les préventes étaient là, étaient au rendez-vous. Mais pour lui, y crois-tu pas? Moi, j'irais plus vers le contrôle des jeux. On a déjà parlé avec Andrew. C'est un truc qui peut se régler avec une mise à jour. Puis Sony ont pas vraiment un passé cool au niveau... Non, pas pantoute. Au niveau de ses consommateurs, là, au truc qui est déjà arrivé, qui font subir à leurs consommateurs, on les connaît, Sony. Puis on sait tout, peu importe que ce soit Sony ou Microsoft ou Nintendo, le jour où la revente de nos jeux usagés sera interdite, ce sera la mort des consoles. Tout à fait. Mais déjà que... C'est pas compliqué, là. Déjà, jusqu'à récemment, c'était encore une montée du PC, une baisse des consoles. C'est sûr, on est en fin de génération, là, présentement. Mais j'ai quand même hâte de voir avec les nouvelles générations. Mais justement, j'ai une dernière nouvelle PS4. Parce que je vais avoir une nouvelle qui va appuyer ton fait. Qu'est-ce que tu viens de dire à propos du PC? Dernière chose, un point qui était très, très, très nébuleux sur la PlayStation 4, élément qu'on pouvait faire avec la PlayStation 3, est-ce qu'on peut remplacer le disque dur sur la PlayStation 4? Il n'y a pas eu vraiment d'informations... C'est nébuleux. Maintenant, le nuage est disparu. Oui, il est possible de remplacer le disque dur sur la PlayStation 4, et non, ça n'annulera pas votre garantie. Parce que dans le fond, il y avait eu un léger débat parce qu'il y avait du monde qui avait pris le temps de lire tout. Et il y a certaines personnes qui avaient reçu les livrets des consoles pour des unboxings en avance. Et quand ils ont lu les livrets de garantie, ils ont fait « Ouh, OK, est-ce que j'annule ma garantie si je rouvre ma console pour aller enlever le disque dur? » Et Sony ont vraiment posté sur les réseaux sociaux et par communiqué de presse, ont dit « Non, vous n'annulez pas la garantie de votre PlayStation 4 en changeant de disque dur. » Parce que, dans le fond, la clause en question, c'est qu'il disait que si la console était modifiée, que la garantie est annulée. Mais pour le changement de disque dur, Sony ne considère pas ça comme une modification. Est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué que de remplacer le disque dur de la PS4 que de la PS3? Le PS3, tu ouvres un panneau sur le gros dé, tu tirais dessus, t'en foutais un autre dedans, tu ressnappais le panneau, c'était fini. En tant que tel, il n'est pas mentionné. On pourra voir qu'on le ressente les mains. C'est un truc qu'on va regarder. Il n'est pas mentionné, mais théoriquement, s'ils disent que ça annule pas la garantie, c'est que ça doit être quand même relativement facile d'accès, parce que ça m'étonnerait qu'il annule pas la garantie s'il faut éventrer la console au complet pour le changer. C'est ça. Donc, on démontrera ta PS4 quand on l'aura. On évaluera. Hey, moi, j'en ai une rapidement, une nouvelle par rapport au PS4, par rapport au... Je me rappelle pas, j'ai le nom, le mot au bout de la langue, là, tout ce qu'on doit accepter pour... Des termes. Tout ce qui est termes, les acceptations au niveau de l'utilisation des consoles. J'ai vu sortir ça plus tôt cette semaine, qu'il allait falloir accepter le fait que on peut pas broadcaster, donc diffuser du gameplay sans avoir la permission de Sony. J'ai vu passer ça, je sais pas si c'est un vrai coulage d'informations ou c'est quelqu'un qui a monté de quoi. Pas les autres qui ont un bouton share sur la manette? Je trouve ça vraiment bizarre. En tout cas, je trouve pas ça sérieux. Moi, j'avais lu qu'il y avait eu un resserrement sur le niveau des YouTubers, tout ça, qui recevaient du contenu avant la date officielle de sortie. Ah ben là oui, c'est normal. Je veux dire, on sort pas le vidéo avant. Parce qu'il y a certains YouTubers qui font des let's play, qui reçoivent des jeux en avant-première pour du unboxing et tout ça, et qui se filment déjà faire des let's play avant que le jeu sorte. Et ça, s'il n'y a pas d'autorisation de la part de Sony, ben là maintenant ça peut être sanctionné. Moi, c'est ça que j'avais vu. Ah voilà. Ben merci de la précision, Andrew. Le site que j'avais consulté n'était pas très complet, visiblement. Merci de cette précision. Et tu enchaîneras donc avec une autre nouvelle. Oui, l'accessoire Oculus Rift qu'on a eu l'occasion d'essayer au Warp Zone. On en a parlé même la semaine passée. Mais il y a eu du monde qui se posait la question, est-ce que Oculus Rift va être disponible sur la PlayStation 4 et la Xbox One? Et la réponse est non. Pour la simple raison que le créateur de ce casque dit que les consoles de salon sont trop limitées pour le développement de l'Oculus Rift et que la seule et légitime plateforme sera le PC. Oh oui! Moi, j'adore le PC. Et Android. Mais ça, Android, c'est une autre histoire. Ouais. Mais que la plateforme principale de l'Oculus Rift sera le PC et demeurera le PC, car l'avenir de la réalité virtuelle et du gaming, selon le créateur, est sur cette plateforme. Ça vient appuyer un peu qu'est-ce que tu viens de dire. Ben moi, les meilleures expériences de jeu que j'ai eues, c'est pas mal PC. Sans compter le Super Nintendo, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un peu nostalgie. Voilà. Une petite nouvelle humoristique. Ben, continue, Andrew. On va rire d'une grande compagnie. Blizzard. Mais là, bizarre, on n'arrête pas de rire d'eux autres. Il y a eu la BlizzCon qui a eu lieu la semaine passée, oui, si je me trompe pas, où ils ont annoncé une cinquième expansion à leur MMORPG qui ne veut pas mourir, World of Warcraft Warlords of Draenor. Mais imaginez-vous donc qu'il y en a une sixième extension qui est en chantier actuellement. Donc, World of Warcraft n'est pas mort encore. On va en entendre parler encore pendant un bon bout. Calvas. Je peux pas croire. Déjà, à la base, les MMO, je comprends pas tout le temps pourquoi, mais Mais personnellement, je comprends pas. Les gens peuvent se faire du fun, ça, je peux pas. Tu te fais du fun, tant mieux. Libre à eux, là. Mais c'est parce que. Non, on comprend pas. World of Warcraft, là, c'est sorti quand j'étais au cégep. Cégep, là, ça fait un bout que j'ai fini, là. On peut-tu passer à autre chose? Mais surtout que, supposément, que Blizzard a un projet qui s'appelait le projet Titan, qui était un nouveau MMORPG pour prendre la place de World of Warcraft. Et chose qu'on a appris lors de la BlizzCon, ben, ils ont tout démoli le projet, puis ils repartent tout à zéro, parce qu'ils sont pas satisfaits. Diantre. Et ça doit coûter cher. Oui. Un autre truc que j'ai vu par rapport à la BlizzCon, c'est World of Warcraft. Oh, en fait, c'est Warcraft the Movie. Oui, mesdames et messieurs, ça s'en vient. C'est pas obligé que ça soit mauvais. Non, non, non. Parce que Warcraft, les jeux de Warcraft étaient bons. World of Warcraft, c'est autre chose, mais Warcraft, c'était pas mauvais. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont arranger ça. Mais moi, les adaptations, ça me fait peur. On se rappellera du très célèbre Dungeons & Dragons, the movie. Ouh! Ben, en fait, on veut pas s'en remplir. En fait, on veut pas s'en remplir. Je vais prendre une gorgée de vieux château pour m'enlever le petit goût de vomi dans la bouche. Sérieux? Ah, c'est ça. Sérieux, ça a pris Seigneur des Anneaux pour que je l'oublie. T'es pas cool de me C'est comme parler de vomissure pendant un repas, tu sais. Hey, l'autre fois, j'ai été malade, puis le monde t'a fait manger. C'est la même chose. Super Mario Bros? Ça, jamais. Hein? J'ai trouvé ça correct. Plus jeune? Ouais, c'est ça, plus jeune. Ouais, t'avais 4 ans. À cette heure que t'as un sens critique, Max, tu réécouteras ça, voir. OK. Avec Joe Pesci. Ou Street Fighter. Oh, man. On devrait se taper une soirée navet. Ah, ouais. Mais il va falloir, là, si on se tape une soirée navet cinéma adaptation, on va falloir s'acheter de la 50. Et manger du navet. Et tablette. Ah oui, mais là, la 50, ça se bat. Sinon, une dernière nouvelle, nous. Une dernière nouvelle. Là, je te fais plaisir. Toi, fan des samouraïs. Oh oui. Tu connais la série de jeux Yakuza. Oui. Ben, ils vont faire un spin-off. Oh oui, ça j'ai. Ouais. Qui s'appelle Yakuza Ishin, qui va se passer avec des Yakuza à l'époque féodale. Et dans le fond, c'est tout ce qu'on retrouve de la formule gagnante des jeux Yakuza. Donc, monde open world, des villes où vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez, vous promener. Mais là, au lieu d'un combat corps à corps dans la rue, c'est le street fight avec les Yakuza modernes. Là, vous allez être avec des samouraïs, des sabres et du sang et de l'hémoglobine à profusion. Je te dirais que je regarde les images et... Sur PlayStation 4, hein, ça paraît. J'ai hâte de voir ça, moi. Ben, faut dire que je m'étais tanné un peu de la série Yakuza. Je trouvais que ça manquait de direction. Souvent, c'est un problème des jeux open world, ce que je trouve un problème à Grand Theft Auto, contrairement à Skyrim. Les jeux open world, ça manque de... Autant des fois qu'on dit qu'il y a des jeux qui sont trop linéaires, les jeux open world, souvent, il manque un peu de balises où se diriger. C'est le fun de pouvoir faire ce qu'on veut, mais c'est aussi le fun. En plus... de cette liberté-là d'avoir quelque chose à proposer aux joueurs une fois que la main quest est terminée, mettons. Je dis ça comme ça. C'est qu'on va juste espérer, du côté de Yakuza, qu'ils ont un peu pallié cette carence-là. On sait pas. On va espérer. Mais cas, ça a l'air vraiment intéressant. J'ai vu aussi des images, là, puis ça m'a fait un peu baver. Ben, ça me fait penser un peu au jeu Way of the Samurai que t'avais acheté sur PlayStation 3. Sauf que là, plus c'est fait par Sega, la gang, le studio qui fait Yakuza, ils doivent faire mucho, mucho hors de jeu. Ouais, mais en plus, le visuel est quand même intéressant dans Yakuza. Ouais. Way of the Samurai, c'était un jeu intéressant, mais... C'était pas un gros studio qui l'avait non. fait. Non, puis c'est pas visuellement, c'est pas un bonbon. Là. Fait que, ouais, j'avoue que c'était considéré au niveau de Yakuza... C'est quoi? Yakuza? Yakuza Ishin. Ishin. Voilà. Donc, pour les amateurs de jeux qui se passent à l'époque du Japon féodal, mais en plus dans un milieu criminel, go! Juste pour dire, il sort le 22 février au Japon. Puis, comme tous les jeux Yakuza, il faut s'attendre à un délai de quelques mois avant sa sortie en Occident. Merci beaucoup. Mais beaucoup, hein? Beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Castegan, pour ces nouvelles. Et c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Il reste... parce qu'il faut prendre le temps de saluer les gens. Hein? Oui, puis Alexandre Carignan disait que sa vie était basée sur WoW, avec un bonhomme triste. Alexandre Carignan. Pourquoi je suis pas surpris? Alexandre, il va falloir se parler. Voilà. C'est dit et redit. Il va falloir s'asseoir avec une bière puis se parler des vraies affaires. Voilà, c'est dit. En mangeant de la bonne viande sur le barbecue. Toujours. Ben là, ça commence à être frais pour le barbecue. Ou des Alex, son barbecue marche à l'année. C'est vrai, hein? Ah ouais? Ouais. Bon, ben, on ira chez Alex manger de la viande. Ou au pire, des crottes de fromage panées du corps de la souche. Ben oui. À ce temps qu'ils font en boule de fromage. C'est malade. Ouais, la souche, allez-y. On vous le répète, là, on parle de bière puis de bouffe, là. Allez là tout de suite, parce que nous, on va aller souper. Puis le dépanneur aussi. Aussi. Ouais. On rappelle le nom du dépanneur, le dépanneur tout près, qui est à Lévis. Oui, voilà. Proche du collège à Lévis. Vous pouvez vous y rendre, acheter des bonnes bières. Donc, fin de puissance maximale. Je remercie M. Andrew Castegan qui est à la console. Merci beaucoup, Andrew, d'avoir été là. Toujours un plaisir. On remercie les gens de la Foire Geek de Québec qui nous ont accueillis samedi dernier pour des entrevues, pour nous montrer quel bel événement il avait créé. Longue vie, on espère qu'ils vont revenir l'année prochaine, puis même peut-être avant. C'est le fun d'avoir ce genre d'événement-là entre les conventions. Merci M. Maxime Girard qui était là pour nous parler événements. Ça m'a fait grandement plaisir. Ah, et rapidement comme ça, sans nécessairement trop dire c'est qui, Scott Perron aussi, c'est quelqu'un qui m'a grandement inspiré. Oui, Scott, moi je l'ai vu à Janimé, je l'ai vu à Comic-Con aussi. Il est un des fondateurs d'Ottawa Comic-Con et à deuxième année, il a attiré plus de 30 000 festivaliers. Donc ouais, un gros merci à lui, il m'a montré beaucoup de choses aussi. Merci à Scott et merci à Max d'être passé à l'émission et merci bien évidemment à M. Éric Lajeunesse qui est venu nous parler de la vie de château de la microbrasserie Le Grimoire de Granby. Allez sur Internet, Google, tapez microbrasserie Grimoire, vous allez trouver toute l'information et allez dans votre dépanneur spécialisé pour essayer de trouver la vie de château. Merci beaucoup, Éric, d'être passé. Fait plaisir. Puis on s'en vient avec une des chroniques, la Xbox One puis la PlayStation 4 qu'on s'organise chez vous prochainement. Yes. Et mon nom est Michel Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeu avec mes amis. Et on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. On vous invite à le visiter pour écouter nos émissions en podcast, entrevues. D'ailleurs, on a mis cette semaine les entrevues qu'Andrew a fait à Con Bravo cet été avec les studios. Avec les studios indépendants. C'est sur le site. On vous invite aussi à aller sur Facebook, taper Puissance Maximale dans la barre de recherche pour nous trouver très facilement. Appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, nous, mesdames et messieurs, pour aussi propager de la page Facebook à tout le monde, pour que tout le monde puisse aimer cette page. Et on vous dit, en terminant, comme à notre habitude, de passer une excellente semaine de jeu. Middle harmonica. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify. It's the end. Virgins. Till the day we one, two, three, four, yeah!